monstrueuse celle-là. Le but de cette finale. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se coupe. Magnifique, premier mot, premier ils sont champions de France. On est les champions, putain! On est les champions! Bonsoir à tous et bienvenue dans Sport & Chill, un plaisir de vous retrouver comme chaque lundi. Et ce soir, c'est l'émission 35 de cette saison 3 qui touche bientôt à sa fin. Il ne reste que quelques émissions avant la fin de la saison. Et nous sommes, oui, le lundi 18 juin, j'ai oublié de le préciser. La résistance, Oui. En effet, c'est bien d'en parler. Ce soir, on va parler justement donc non pas de la résistance, mais des champions du monde U20 au rugby qui ont fait une belle performance ce week-end. Incroyable. Le Tour de Suisse en cyclisme, on va l'évoquer un petit peu aussi. Le tennis, on va en parler puisqu'il y a eu la victoire de, et non pas le sacre. Hein. Je voulais mettre le sacre de Richard Gasquet, mais ça faisait un peu trop gros. Donc je vais mettre la victoire. C'est 250. Hein. Voilà. La victoire de Richard Gasquet à Hertogenbosch. Merci messieurs. Et là c'est plus facile, la victoire de Roger Federer à Stuttgart, un peu facile lui aussi. On va parler aussi de 24 heures du Mans évidemment, ou encore d'un Montpellier, hein, Kevin Mayer, qui a fait quelques grosses performances ce week-end et qui prépare au mieux ses championnats d'Europe qui vont arriver en août. On va parler évidemment aussi de quelque chose qui a commencé cette semaine, c'est évidemment la Coupe du Monde de football. On en parlera en fin d'émission vers 20h. On parlera évidemment des flops, des tops, un peu de ce début de compétition. Et on va en parler avec autour de 4 chroniqueurs ce soir. On a Guillaume qui revient pour la 3e fois. Ça commence à être présent au fur et à mesure. Hein. Bonsoir Guillaume. On s'entraîne. Bonsoir. On a Alex aussi qui revient pour la combien de fois, Alex? La deuxième cette fois. La deuxième cette année. Bonsoir. Bonsoir. C'est une sorte de Benjamin Pavard, Alex. Un peu, hein. Ah, c'est vrai. Mais il commence à prendre avec sa place. Plus de charisme, hein, parce que j'ai vu en conférence de presse ce matin, Benjamin Pavard, c'est la soupe à la grimace. Est-ce que t'as vu son surnom d'ailleurs, Pavard? Les tuches. Vraiment, il y en a un peu marre, je crois. Ouais. Et justement à ma gauche donc Paul et Tim, salut les gars. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Allez bah on sans transition, on passe tout de suite au résultat de la semaine. Sport and Chill, les résultats. Ne vous inquiétez pas si j'ai des absences, j'ai le match de l'Angleterre sous les yeux, et donc des fois je parle pas, donc ça va arriver pendant cette émission. Parce que l'Angleterre ouais, non, mais à 20h, vous verrez qu'il n'y aura plus d'animateurs. Tu vas le mettre là, qu'on puisse tous en profiter. On va commencer avec du rugby, parce qu'il y a eu deux résultats. Un résultat de l'équipe de France senior et puis junior. On peut dire ça comme ça. Le 15 de France, ouais, qui a réalisé son deuxième match de leur tournée en Nouvelle-Zélande, et malheureusement, deuxième revers. Mais il y a un mais, cette défaite est encourageante. Hein, donc le score 26-13. La fameuse défaite encourageante du rugby qui ne reflète pas forcément. Les Français, finalement. La physionomie du match avec des Français courageux, surtout qu'ils ont été réduits à 14 dès la 12e minute. On y reviendra avec cette exclusion de Benjamin Fall. Donc score final comme je l'ai dit 26-13. Mais les hommes de Jacques Brunel n'ont pas à rougir de leur performance face à des Blacks qui eux se sont montrés inhabituellement imprécis, brouillons et approximatifs. Côté français, beaucoup de joueurs se sont montrés. Kevin Gourdon était fortement décrié la semaine dernière, il a répondu présent. On a vu que Kélian Galtier et Mathieu Babillot avaient apporté quelque chose en 3e ligne. Encore Anthony Bello qui s'est enfin trouvé un match référence avec l'équipe de France. Est-ce que, j'ai une question pour toi, est-ce que cette réaction de l'équipe de France, parce que quand même, même si c'est une défaite à presque courte, on va dire, oui. Et est-ce que c'est pas le fait d'avoir une injustice la semaine dernière qui les a poussés à être un peu plus énervés et à faire une réaction d'orgueil, pas une performance, mais ils se sont sûrement soudés autour de ça, peut-être ça les a motivés. Alors que la source de leur match, je ne pense pas, de leur performance, non, mais c'est sûr que quand on voit qu'un mec comme Grosso, qu'un mec le pilier, je ne me souviens plus son nom, qui charge à l'épaule et qui provoque deux fractures sur le visage à Rémi Grosso, qui prend rien du tout, ouais. Là où Benjamin Fall, lui, est déséquilibré et sans faire exprès fait basculer Bowden Barrett sur le coup et qui prend un carton rouge. C'est sûr que quand on voit qu'il y a deux poids deux mesures, à un moment donné on se dit bon, les règles sont bien, ça serait bien de les appliquer d'un côté comme de l'autre. Après, son carton rouge a été annulé aujourd'hui par la... Alors justement, j'allais y venir, la commission a pris une décision assez inédite, puisque c'est la première fois qu'un joueur est blanchi, parce qu'automatiquement dès qu'on prend un carton rouge, le joueur ne peut pas disputer le match suivant ensuite. Principe du carton rouge finalement. C'est principe du carton rouge, voilà. Sauf qu'après, si tu veux, il y a une commission ensuite qui évalue la situation. Tout à fait, et qui regarde est-ce que ça mérite plus d'une semaine, deux semaines, d'un certain temps pour la suspension. Et là, la commission l'a carrément blanchi, c'est-à-dire qu'il pourra disputer le prochain match avec l'équipe de France parce qu'ils ont jugé que à aucun moment il ne quitte le ballon des yeux pour disputer le ballon en l'air. Et puis au moment où il va au contest avec Bogdan Barrett, il est déséquilibré par le numéro 13 qui est Lennar Brown. Donc du coup ils ont jugé que c'était pas nécessaire de le suspendre pour le prochain match. Mais du coup ça, c'est aussi un peu un débat, est-ce qu'il faut revoir les règles du rugby, notamment la règle du carton rouge, parce que là pour le coup monsieur Gardner, je crois qu'il s'appelle, a appliqué la règle à la lettre, c'est-à-dire que le joueur en contact est tombé sur la tête, sur les cervicales, donc automatiquement c'est carton rouge. Sauf que derrière il n'y a pas vraiment une volonté de faire mal, il n'y a pas une volonté d'agresser le joueur. Donc peut-être qu'il faut essayer de revoir la règle et essayer de trouver un juste milieu, parce que c'est vrai que là du coup ça a faussé un peu le match. Mais en même temps du coup ça a aussi peut-être resserré nos Français qui ont malgré tout fait mieux que résister face à ces Blacks, notamment à l'image de ce dernier essai dans les derniers instants de la partie, sachant qu'on en a eu deux essais refusés juste avant. Et je suis sûr qu'avec un peu plus de communication et de compréhension en défense, on pourrait être encore plus dangereux. Parce que pour moi, il y a au moins deux essais qui sont largement évitables sur des erreurs individuelles et qui peuvent être supprimées par la suite. D'accord. Après, est-ce que quand tu parlais de source de motivation, ils ne l'ont pas plutôt puisé, pas dans le match précédent où ils ont pris une tôle, mais justement ce carton rouge, la blessure de Grosso, je pense que c'est plus dans le match. À un moment donné, peut-être qu'ils se sont dit à un moment donné, bon les gars, voilà. On se fait enfler à chaque fois, enfin enfler, j'exagère un petit peu la situation, mais entre Grosso qui se fait blesser, Benjamin Fall qui se prend un carton rouge, à un moment donné les gars, on se resserre et on se bat chacun l'un pour l'autre. Ouais. C'est ce qu'on a vu par exemple avec l'équipe de France des moins de 20, les mecs étaient solidaires comme jamais, mais on y reviendra à ça plus tard. Mais je pense que c'est... Après les Blacks, il faut pas oublier aussi que les Blacks... passons passer à travers parce qu'ils mettent quand même 4 essais, mais il y a eu énormément d'imprécisions dans leur jeu, beaucoup dans l'avant, beaucoup d'indiscipline, ce qui est assez rare chez les Blacks. Donc si l'équipe de France arrive à encore un peu hausser son niveau de jeu, à régler certains détails, elle peut venir ennuyer ces All Blacks la semaine prochaine. Moi j'y crois, c'est donc samedi matin 9h30. Ce sera le dernier test match. Dernier test match, ouais, avant les vacances, c'est la reprise du top 14, c'est fin août. Ça va reprendre tout de même vite, hein. Ça va reprendre vite, donc je pense que beaucoup vont partir en vacances là. Et, ça va faire du bien, tiens. Et surtout que ça va être une année de préparation à la Coupe du Monde. Ouais. Parce que l'année prochaine, faut pas oublier, Coupe 2019, du Monde ouais. 2019 au Japon. Au Japon, tout à fait. Et donc, un résultat plus satisfaisant, c'est du côté juniors, entre guillemets. Juste avant. Ah oui, c'est vrai, les autres testent le match. Non, on pourrait en parler. Je sais que l'Angleterre a perdu contre l'Afrique du Sud. 23-16, je me souviens plus exactement du résultat. Pays de Galles a battu l'Argentine et l'Irlande a battu l'Australie. Ouais. Donc des résultats intéressants. Moi je voulais juste parler des Barbarians, donc qui est l'équipe B de l'équipe de France qui a battu les Crusaders 42-26. Mais on va revenir au plus beau résultat, c'est la victoire de l'équipe de France des moins de 20 ans en Coupe du Monde qui a eu lieu dans notre région, voilà, en plus en Occitanie. Beaucoup de matchs se sont déroulés entre Béziers et Perpignan, en passant par Narbonne aussi. Et au final, donc, l'équipe de France remporte le premier mondial moins de 20 ans depuis 10 ans. À l'époque, c'était la génération des Boxis, Fufu, etc. Donc c'était en 2008. Et du premier au dernier match, on a senti que les Bleus ont maintenu un niveau de jeu d'une énorme qualité et ils ont vaincu. En plus, excusez-tu peu, on a battu les Blacks d'affilée, l'Afrique du Sud, les Blacks. Et pour vous couronner le tout, en plus, on a tapé les Anglais en finale. Ah, c'est bon. Donc ça rajoute une saveur particulière à cette victoire. Ils ont été solides. Solidaire, et en plus t'as certains joueurs qui se sont imposés à l'image du pilier droit Demba Bamba, pilier de Brive. Après t'en as confondre avec Demba Bamba. Pas pareil. C'était sûr, ouais. Obligé. Il y a une homogénéité des niveaux des joueurs évidemment, mais voilà, on peut dire qu'il y a les Black Panthers qui sont réveillés entre Bamba, Woki et Jonathan Joseph. Ils ont tous les trois emmené l'équipe de France avec les moins de 20 au sommet. Évidemment, j'en oublie avec Carbonel qui a fait une grosse compétition, qui n'était pas titulaire là-bas, c'était Ntama. Ntama qui a glissé en centre, ou encore le capitaine Arthur Coville. Donc vraiment une belle performance de la part de nos Bleus. Très bien, bon, c'est complet au niveau du rugby. Ça promet pour la suite. Maintenant, il faut qu'ils jouent en top 14. Ouais, ça serait oui, bien. Oui, oui. Et non, mais franchement, je. Mais dans le temps, ils s'est eu 20. C'était. Puis surtout qu'on l'a, ils ont vraiment été solides du début à la fin. La deuxième mi-temps contre l'Afrique du Sud, on peut en débattre, mais ils avaient déjà fait une première mi-temps de malade. Mais jamais ils ont été inquiétés. On a toujours été solidaires à chaque fois, agressivité, chacun ouais, impact, souverain, quoi. Toujours les mecs ils s'encouragent, etc. Donc franchement, c'est prometteur pour la suite. Et on espère que c'est eux qui feront rêver l'équipe de France ces prochaines années. Et il va falloir parce qu'il y a un creux de génération là, donc. Oui, je sais pas pourquoi je joue. Il y a un creux de confiance pour l'instant. Voilà. On va dire je vois ça. Pas forcément d'étoiles montantes là, tu vois. On va passer à un sport où il y a des étoiles montantes ou pas. Le tennis. Pas en France en tout cas. T'es sévère. Et on va parler. Bah, tu choisis le tournoi que tu veux parler en premier, Tim. Zéro, je parlais de Paris de tennis. Ah ouais. Non, si. On va parler de la semaine passée. Il y avait deux tournois. Il y avait Hertogenbosch. Oui, désolé pour la prononciation. Où Gasquet s'est imposé dans un duel 100% français puisqu'il a battu Jérém Chardy, qui joue pas mal en ce moment en 2-7, 6-3, 7-6. Chez les femmes, ce même tournoi, c'est Krunic qui a battu Flipkens 6-7, 7-5, 6-1. Petite surprise quand même, Krunic, je vous le cache pas. Je connais pas. Moi non plus, une serbe. Après, vous connaissez pas grand chose de tennis. Grand pays. Mais... Je connaissais un Krunic. En étant objectif, je l'avais vu sur. Je la connaissais quasi pas, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment une surprise. D'accord. Ensuite, à Nottingham, chez les femmes, c'est Barty qui remporte le tournoi face à la Britannique Konta. 6-3, 3-6, 6-4. Et ensuite à Stuttgart, comme tu l'as dit Flo en préambule, Federer qui a remporté son 98e titre, où il a battu quand même, enfin il a fait un gros tournoi hein, puisqu'il sort d'entrée Micha Zverev qui est quand même un client sur gazon. Et ensuite il affronte Kyrgios en demi où il perd pas un set et Raonic en finale qui maîtrise 6-4, 7-6. Et du coup à ce jour Roger redevient le numéro 1 mondial. Raonic qui avait éliminé Lucas Pouillon. Ouais, qui était le tenant du titre à Stuttgart, pour ceux qui le savaient pas. D'accord. Raonic ou Lucas Pouille ? Lucas Pouille. Ah non, aussi, surprenant, c'est pour ça que c'est... Ouais. Que Marion Bartoli, qui avait annoncé son retour sur les terrains de tennis, ne sera pas de retour tout de suite sur les terrains de tennis. Ça n'est jamais. Elle n'est pas prête physiquement. Ouais. Est-ce que Federer s'est aligné sur Halle, comme d'habitude ? Oui, demain il joue contre Alias Bédéné. Tournoi 99 et Wimbledon le centième. Ouais. Du coup, pas de Queens pour... Non, bah après, jamais Federer. Non, ouais, Roger et surtout Halle. Il y a un contrat avec Halle, je pense. Andy Murray, voilà. Après, sauf que Andy Murray va jouer Nick Kyrgios, donc il va faire ça. Avec Wawrinka aussi. Au Queens. Qui a gagné Rinka aujourd'hui. Oui. Donc il y a du beau monde à Londres. Peut-être on parlait justement de la saison sur herbe. Est-ce que ça va être un 100% du côté de Federer sur les tournois où il s'aligne ou est-ce qu'il y aura un peu de concurrence? Je pense que son principal concurrent sera sans doute Marin Cilic, qui l'a affronté l'année dernière en finale, qui vraiment joue un très bon tennis et qui a tout pour faire un gros tournoi sur gazon, puisqu'il a vraiment tout le jeu pour être agressif sur herbe en 3-4 coups de raquette. Après, si je devais mettre une petite piécette, je verrais bien Nick Kyrgios revenir en forme. Ah ouais. Ouais. Et Zverev? Zverev, faut voir parce que il a jamais fait mieux que 8e à Wimbledon. Pour moi, c'est pas sa surface. C'est vraiment un joueur d'indoor, Zverev. Ouais. Sur gazon, je pense qu'il peut faire mal, mais par exemple contre un Feliciano Lopez, il peut en chier. D'accord, je vois. C'est pas quelqu'un qui va par exemple beaucoup monter à la volée. C'est vraiment un joueur de fond de court et il peut avoir des problèmes contre des gros serveurs par exemple. Et après je dirais Dominic Thiem aussi qui joue d'ailleurs en ce moment là, parier sur lui, donc pour regarder le score. Ouais, donc je dirais Dominic Thiem, petite piécette sur Kyrgios, mais a priori Roger serait favori hein. Et côté français, peut-être que Richard peut faire quelque chose. C'est le plus à même, ouais. C'est celui qui joue le mieux en ce moment côté français, parce que Lucas Pouille est en pleine confiance. Depuis la Coupe Davis, il n'y a pas de confirmation. Ça les élève mentalement et pour Lucas Pouille, c'est voilà. Bon, il gagne quand même à Montpellier, Pouille. Il gagne à Montpellier. Ouais, mais c'est parce que cette année, après Montpellier, c'est un 250. Il faut voir le tableau aussi. Non, c'est pas Montpellier qui gagne, c'est Sofia. Sofia et qui est Lucas Pouille. C'est qui gagne déjà à Montpellier cette année. Bah, c'est Lucas Pouille qui gagne à Montpellier cette année. Avec Marseille aussi. Ouais, je crois qu'il va enchaîné, ça. Marseille, Montpellier et puis il fait peut-être finir la Sofia, je sais plus. Mais bref, c'est des 250 mineurs en Masters 1000, il a aucune performance notable en Grand Chelem, j'en parle même pas. Donc non, Richard Gasquet après sur gazon, je pense que c'est sa surface favorite. Il a déjà fait deux demi à Wimbledon, Richie. Donc faudra compter sur lui. C'est sa surface de prédilection. C'est sa surface de prédilection, ouais. Et tu disais que Roger, peut-être qu'il allait faire 100%. Est-ce que c'est l'an dernier qu'il a été éliminé dès le premier tour du tournoi de Halle, justement, face à Robin Haase, ou Tommy Haase, ou Robin Haase. Robin Haase. Ouais. Alors là, je... Non, non, tu dis... Non, non, j'ai vérifié tout à l'heure, Roger Federer a gagné Halle l'année dernière. Donc, c'est pas Halle, alors c'était je sais plus où. Bon, tu dois confirmer. Tu sais si Nadal il va aller sur Wimbledon ou pas? Je pense pas moi. Ah bon? Non, je pense pas. Et justement, il disait. D'après ses déclarations là, il s'est pas du tout entraîné sur herbe jusqu'à présent. Il s'est aligné sur aucun des deux tournois. Donc, qui sont les tournois. Non, je suis pas trop étonné pour le coup. Je pense qu'il s'est beaucoup donné sur terre et voilà, c'est il a envie de profiter de sa undécima et ça, sur gazon, c'est pas du tout sa surface. Il a remporté une fois Wimbledon et deux fois. Deux ou trois? Non. Peut-être pas trois fois. Deux sur. Bah après c'est quand il était plus jeune. Voilà, beaucoup plus. Ah, je suis pas sûr des deux. Ouais. Parce que il a remporté une fois contre Roger Federer dans la 2008, finale mythique, 15-13 au dernier set. Mais on va enchaîner ouais. Parce que sinon on perdra trop de temps. On va enchaîner notamment sur un autre sport. Moi je vais continuer avant de passer au cyclisme par exemple. Je vais parler notamment de sport automobile. Sport mécanique plutôt, avec la MotoGP et donc notamment Jorge Lorenzo qui est donc chez Ducati qui a remporté dimanche le Grand Prix de Catalogne devant Marc Marquez qui est chez Honda et Valentino Rossi l'éternel. Johan Zarco, le français, a pris la 7ème place au classement du championnat, donc c'est Marquez qui compte désormais 27 points d'avance sur Valentino Rossi. Maverick Vinales est quant à lui toujours 3ème, qui l'a fini d'ailleurs 6ème dimanche. Zarco a lui gagné une place, le voilà 4ème maintenant, le français à la place d'Andrea Dovizioso, victime d'un abandon ce week-end. Enfin Lorenzo est maintenant à la 7ème place, à 11 points du podium. Prochain rendez-vous du championnat donc de GP Moto, le 1er juillet prochain avec le Grand Prix des Pays-Bas. Et puis il y a un autre événement important en sport mécanique, c'est les 24 heures du Mans, évidemment au Mans. Je crois que je vais pas vous surprendre. Avec après des années donc de déconvenues de la part de Toyota, c'est finalement une victoire aux 24 heures du Mans. Fernando Alonso, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima ont offert donc la victoire aux constructeurs japonais ce dimanche. Une victoire donc après plusieurs années de disette, il y a 2 ans, donc Toyota allait gagner quand la voiture a calé. À 4 minutes de la fin. À 3 minutes, ouais, 3 minutes de la fin. Okay. Donc pas mal. Et là, donc Fernando Alonso a avancé dans sa quête du mythique triple couronne. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est les triple couronnes. Les 500 miles, champion du monde de Formule 1 et donc les 24 heures du Mans. Et donc il lui reste plus que les 500 miles d'Indianapolis. Seul Graham Hill a réussi donc ce triplé fantastique. Important, intéressant ça. Ça aurait pu être une question de quiz, ça aurait pu. C'est vrai, ça peut, mais alors, faudrait pas. Ah non, mais moi non plus, j'aurais pas. À noter que c'est Rafael Nadal qui a donné le coup d'envoi de ce 24 heures du Mans. C'est pour ça qu'il y avait Chamoulo. Voilà, c'est ça, t'as compris. On va passer au cyclisme avant de passer à l'info en bref. Passons au cyclisme, oui, avec le Tour de France qui approche à grands pas et du coup, dernière préparation pour les coureurs. Et le Tour de Suisse, donc au classement qui est une compétition sur le World Tour. Victoire de Richie Porte au classement général devant Nairo Quintana et Jakob Fuglsang. Enfin, Fuglsang a fini 2e, Quintana 3e. Sur un plateau plutôt relevé, l'Australien s'impose pour sa première participation avec à 3 semaines du Tour de France. L'épreuve s'est conclue par un contre-la-montre individuel remporté par son coéquipier Stéphane Kung, un Suisse. Il y avait une autre étape la semaine dernière, une autre compétition qui se courait la semaine dernière dans la région, pardon. C'est la route d'Occitanie, donc qui a remplacé la route du Sud. Ah voilà, c'est la route du Sud. Avec un joli plateau là aussi, avec Nasser Bouani, Alejandro Valverde ou encore Luis León Sánchez. Et évidemment, c'est l'immense Alejandro Valverde qui s'impose sur cette route d'Occitanie, auparavant route du Sud comme je disais, avec seulement quelques secondes d'avance au classement général devant son compatriote de la Cofidis, Daniel Navarro. Et qui complète le podium, et ben ce n'est autre qu'un Français, coéquipier de Christopher Froome, c'est Kenny Elissonde qui finit à 20 secondes de la première place. Un Français, Sky. Ouais, Kenny Elissonde, il était sur le Giro. Qui était censé aider Froome sur le Giro, mais il avait une douleur au genou. Ouais. Du coup, il n'a pas pu l'aider comme il le voulait. Mais les Français ont plutôt bien figuré dans cette compétition avec 3 joueurs dans le top 10, 3 coureurs, pardon, et 3 victoires d'étape avec Clément Venturini, Nasser Bouani et Anthony Roux qui a devancé à la fin Alejandro Valverde lors de l'ultime étape. D'accord, donc le Tour de France, c'est dans quelques semaines, ça commence le 7 juillet. Thibaut le 7 juillet, donc ça arrive. Thibaut Pinot qui abandonne. A noter que Thibaut Pinot déclare forfait, finalement, c'est sans pas une grande surprise. Surprise, vu ce qu'il disait, vu comment vu son état à la fin de, du Giro. Après, c'est presque logique au final. Puis nous, peut-être les Français, ils n'arrivent pas à comprendre que les personnes qui font. Non, mais ils n'arrivent pas à comprendre que les personnes qui font le Giro ont peut-être plus de difficultés à s'aligner sur le Tour de France. Il y a cru parce qu'il y a une semaine en plus. Enfin, c'est ça, c'est ce que disait son manager Marc Madio. Il disait que c'est la dernière année où il y aura 10 jours de récupération en plus pour préparer le Tour de France. Bon, malheureusement, il ne participera pas. Il ira sur la Vuelta. La Vuelta, ça peut lui convenir. La Vuelta, alors le problème c'est que Thibaut Pinot n'aime pas du tout la chaleur, on le sait. Oui, c'est vrai. Et la Vuelta, ça cogne. Donc en espérant pour lui qu'il fasse un bon tour, évidemment. Sinon, il va faire une du moulin, quoi. Mais sinon, j'ai peur qu'il explose et j'espère pour lui que non. Après, sinon, c'est Christopher Froome qui sera évidemment très attendu parce que c'est lui qui va enchaîner le Giro et le Tour de France et c'est l'un des favoris, évidemment. Il est monté en puissance tout au long du Giro pour finalement le gagner, notamment cette fameuse victoire où il finit échappé tout seul de 80 km avec trois cols à grimper tout seul. Donc, j'attends moi de voir le niveau de Froome lors de ce Tour de France. S'il y est, parce que tout à fait. Christian Prudhomme a son destin entre les mains. C'est pas Prudhomme, c'est plutôt l'UCI. Ce sera pas fait. Donc c'est comment il s'appelle son nom m'a échappé, mais. David Lapartien. David Lapartien, tout à fait. Il va y aller, il va mettre 3 minutes au général et voilà. Ouais. Ça suffira pas. Par contre, Christian Prudhomme peut le déclarer persona non grata sur le tour. Ah oui. D'accord. D'accord. Voilà. L'UCI, ce sera pas réglé avant le départ, sûr. Pour les fans de cyclisme, rendez-vous donc le 7 juillet pour le Grand Tour de France. Enfin, l'émission peut-être. Oui, il y aura sûrement une émission en collaboration avec la Coupe du Monde et ainsi que le Wimbledon qui sera en plein dans Wimbledon, je crois, à ce moment-là, non ? C'est début juillet 3, aussi, crois, donc ça sera un triptyque, on va dire, entre le tennis, le foot et le cyclisme. Chercher l'intrus, hein. Allez. Ah, ça, je dis rien, c'est pas quelque chose à dire, pas lequel. Ouais, je dis chercher un truc. Allez, moi je continue avant de faire mes dernières infos. On va faire une info golf, oui, pourquoi pas. Avec Brooks Koepka qui a réussi l'exploit, donc conservé son titre à l'US Open. Donc c'était une grosse échéance au niveau du calendrier en golf. Donc l'Américain n'a jamais été paru en danger, donc dans un dernier tour dominé de la tête et des épaules. Tommy Fleetwood s'offre la deuxième place à plus 2 devant Dustin Johnson à plus 3. Le premier français qui, Mathieu Pavon, termine à la 25e place. Et donc dernière info, c'est donc on en a parlé juste avant, Kevin Mayer, le Montpellierain, donc notre champion de décathlon. Attends, j'ai du mal ce soir, j'arrête pas d'écorcher les noms. Ce week-end, donc c'est à Ratingen en Allemagne. Il a battu donc ses records personnels aux 100 mètres et au disque et a réalisé des performances donc très intéressantes sur le 110 mètres haies, 400 mètres et au poids où il frôle de peu ses records. Donc ouais, plus que jamais, il est le plus grand favori des championnats d'Europe à Berlin, qui c'est du 7 au 12 août, où le record man en titre n'est pas là puisque c'est Eaton qui est américain. En tout cas, donc Montpellierin reste sur des bases de 9000 points. Surtout qu'il a pris un trait d'Eaton. Ouais, qui au vu de ses préparations, donc son record est de 8834 points. Et la barre des 9000 est plutôt symbolique, donc au décathlon, elle a été franchie qu'une fois, donc par le recordman Ashton Eaton. Qui a 9034 ou par là. Donc il peut le faire. Donc à voir au début août à Berlin. Voilà. Je pense qu'on a été clair sur tous les résultats. Est-ce que vous avez d'autres résultats du kayak polo ou du la pétanque. Ah, t'as de la pétanque, c'est vrai. Mondial de pétanque ce week-end, l'Odyssée de la pétanque. Et bien la triplette, blague, en plus, Dylan Rocher, ouais, Stéphane Robineau et Henri Lacroix ont conservé leur titre à l'Odyssée de Montpellier, qui est devenu le mondial de pétanque. Oh. Donc belle victoire de ma part. Et sinon, chez les filles, j'ai aussi en doublette victoire de Lapouge et Erlem. Sans note, hein. Alors qu'ils ont. On sait ce qu'il fait le dimanche après. Ils ont perdu l'année dernière. Et oui, j'ai couvert le lycée de la pétanque toute la semaine dernière, donc crois-moi que niveau bouliste, je suis au point. Comment ça se fait que c'est passé, c'est devenu le mondial, c'est ça? Voilà, c'est devenu le mondial de pétanque depuis cette année. D'accord. À la base, en fait, si tu veux, je te fais un historique, il n'y a pas de problème. J'étais resté sur la Marseillaise, quoi. Donc le but, c'est justement de concurrencer la Marseillaise. L'Odyssée, donc le mondial de pétanque de Montpellier, est devenu le troisième événement national en boule. Okay. Ouais, c'est après pétanque, donc la Marseillaise et c'est pas Mio peut-être. Non, alors Mio justement ça n'existe plus. Ah. Et en fait le but c'est que Montpellier prenne le flambeau en gros. Mais quand on discute avec les spécialistes et ou avec Philippe Suchot, comme j'ai eu l'occasion, qui est un des étendards de la pétanque française, qui disait que malheureusement il n'y avait pas assez de monde à Montpellier. Après le problème c'est que c'est à l'Odysseum, donc sur la place des grands hommes. Et l'idée Al serait de retourner sur la Comédie. La dernière édition du Comédie Pétanque, qui était un grand événement de pétanque, avait lieu en 2004, donc peut-être qu'un jour on y reviendra. Donc si un jour vous avez besoin d'un spécialiste pétanque à la radio, vous pouvez me contacter. En tout cas, on n'a jamais autant parlé de pétanque, donc merci. Et on va finir sur ça d'ailleurs. On va passer à notre première pause musicale, c'est Negro Can, qui est donc le titre Cadaves Quetebeo. Et on nous emmène au Brésil. Un problème ça. Finalement. Merde, c'est à Moscou le truc. Eh ouais. On est pas prévu. Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos, con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Merhaba, vamos nada, Eva. Merhaba, vamos nada, Eva. Merhaba, vamos nada, Eva. Casi pura ilusión, repitiendo los mismos cuentos. De vez en cuando siento la brisa de esa playa flameando mi pantalón. Mira más. Con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda. Se juntaban los amigos a discutir la situación. Mira va, vamos nada, Eva. Mira va, vamos nada, Eva. Mira va, vamos nada, Eva. Para va, Eva, vamos más. Cada vez que te veo. Cada vez que te veo. De retour sur Sport and Chill, c'était donc le titre Cadaves qui était VO, avec un accent espagnol parfait. On passe tout de suite au jingle interview. Sport and Chill, l'interview. L'interview chill. Et oui, donc ce soir on reçoit trois sportifs, trois vététistes. Est-ce qu'on peut dire riders, qu'est-ce qu'on dit déjà? C'est ma première question déjà, on dit quoi? Riders, vététistes ou encore cyclistes? Non, je pense pas, je sais pas. Alors pour définir les trialistes, on parle de trialistes, pas trialiste. De riders, de ouais, trialistes, trialiste, ouais. D'accord. Bah, je vais vous demander de vous présenter un peu. On a donc trois sportifs. Peut-être tu peux commencer justement, vu que tu as pris la parole en premier. Je te laisse l'honneur. D'accord. Bah... Même si c'est pas très galant par rapport aux filles, je suis désolé. Alors je m'appelle Noah Cardona, j'ai 19 ans et voilà, je pratique le vélo trial depuis maintenant 11 ans. Dont 5 ans, enfin ça fait 5 ans que je le pratique à haut niveau. Ok. Les filles, du coup. On avait déjà reçu Maëlys à émission spéciale sport féminin. Donc qui revient avec plaisir à Sport and Chill, mais là cette fois-ci chez nous. Toujours. Bah, moi c'est Maëlys Jouy, j'ai 19 ans et ça fait 7 ans que je fais du vélo trial et 4 ans à haut niveau. Ce qui est pas mal aussi. Moi c'est Manon Basseville. J'ai 19 ans aussi et ça fait 6 ans que je fais du vélo trial et depuis 5 ans à haut niveau aussi. D'accord, donc c'est donc des trialistes ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités dans le VTT ou c'est que du... Est-ce qu'il y a VTT trial? J'ai déjà vu du VTT cross-country. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de ça par exemple? Alors oui, c'est assez différent. Alors il y a plein de disciplines différentes dans le VTT. Alors le vélo trial, faut savoir que c'est un vélo qui n'a pas de selle, donc c'est la grosse particularité. Les autres, on roule sur des VTT assez standards, il y a cross country, XC Eliminator. Bon. Donc c'est surtout le fait de la selle en fait qui, ouais, qui change. Il n'y a pas d'autres spécificités. Nous on franchit les obstacles, les autres, ouais, c'est plutôt sous forme de course. Nous, notre discipline a pour but de, je dirais de, ouais, de franchir le franchissement d'obstacles. Ouais. Pas poser de pied par terre et il n'y a pas trop de notion de temps contrairement aux disciplines du VTT. Du coup, c'est le cross country qui est olympique. Et le trial n'est toujours pas olympique. Est-ce que vous pensez qu'il deviendra bientôt? Ça, c'est la question que tout le monde se pose dans le domaine. Et espère peut-être, je suppose. Ouais, ouais. Et espère dans le trial, mais seul l'avenir nous le dira, je pense. Qu'est-ce que c'est donc cette raison que ce soit le cross-country? Est-ce que c'est plus spectaculaire peut-être que le trial ou je pense peut-être plus télévisuel? Non, c'est plus traditionnel le VTT. Je pense qu'il y a déjà plus de pratiquants. Mais c'est... c'est... Tout le monde fait du VTT. Ouais. Donc c'est plus traditionnel, surtout... Le trial, c'est un sport plus jeune, je pense. Et ça viendra sûrement à l'avenir. Puis je pense aussi que avec un VTT pour faire du cross-country, de suite, on achète un VTT, on peut s'amuser, on peut faire des petites randonnées. Contrairement au trial, on achète un vélo, on va voir les top pilotes sauter sur la roue arrière, franchir des obstacles super hauts, monter, ouais, sur des énormes marches. Et déjà, tenir en équilibre pour un débutant, sincèrement, c'est super compliqué. Donc, il faut plusieurs années de pratique avant de pouvoir sauter sur la roue arrière et pouvoir s'amuser. Donc, je pense que c'est aussi un frein pour les débutants dans cette discipline. Et justement, est-ce que vous commencez direct sur le VTT trial ou vous commencez sur d'autres spécificités du vélo, par exemple? Bah ici, on a chacun notre particularité. Donc, Maëlys et moi, on a commencé par faire du cross-country. Ouais. Et il y a les TRJV, c'est Trophée Régional des Jeunes VTTistes. Mmh. Du coup, en fait, c'est pour les petits, ça allie quatre disciplines. Donc, le trial, la descente, le cross-country et la course d'orientation. Et du coup, ça permet de plus tard s'orienter vers une des quatre disciplines. Et Noah, il a directement commencé par le trial. Ah oui, c'est direct. Et est-ce qu'il y avait donc, tu parlais aussi de la descente et de la course d'orientation. Et comment ça se passe? Donc, c'est deux autres disciplines. Descente, c'est moi, je le vois dans ma tête comme ça, en tant qu'amateur, c'est une descente avec des obstacles, par exemple. Ouais, c'est un peu ça. Le but, c'est de descendre une descente et de mettre le moins de temps possible. Ah ouais, d'accord, donc ça, c'est surtout au niveau de la vitesse. Anti en bas surtout. Ah d'accord, c'est peut-être plus dangereux que les autres les autres disciplines peut-être, non? C'est différent. Est-ce qu'on peut considérer que le VTT trial c'est un sport dangereux? Je pense pas que le vélo trial soit un sport vraiment dangereux parce qu'on a on va haut mais on a pas de vitesse, du coup on gère vraiment ce qu'on fait et il y a pas de gros accidents en théorie. Au niveau donc on a deux femmes ce soir avec nous. On en avait parlé la fois dernière. C'est un sport qui est encore considéré peut-être comme assez masculin, peut-être le vélo. Enfin, peut-être dans les stéréotypes qu'on a. Est-ce que ça se développe bien chez les femmes le VTT ou au contraire c'est un manque cruel de touche féminine justement? Le VTT ou le vélo trial? Le vélo trial, pardon. Je pense que ça doit faire 3-4 ans. Ça s'est bien développé et le niveau mondial il a quand même bien augmenté aussi. Ouais. Depuis nos premières Coupes du Monde, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, on a des demi-finales et des finales, alors qu'au début, on avait juste des finales à des horaires inutiles un peu. Enfin, il n'y avait jamais personne pour nous regarder, alors que maintenant, on passe en plein après-midi, il y a vraiment du public. Puis on nous le dit, le public autour et puis même les top riders, ils apprécient nous voir rouler, quoi. Justement, tu parles des compétitions. Quelles sont les compétitions majeures du VTT, du coup? Compétitions majeures, il y a des championnats du monde, championnats d'Europe, ou est-ce qu'il y a autre chose? On a tout un circuit de Coupe du Monde qui est principalement basé en Europe. Chaque année, c'est 4 ou 5 Coupes du Monde, plus des championnats d'Europe, plus des championnats du monde qui sont en Chine maintenant. Puis on a un circuit national aussi en France, de Coupe de France. Et puis même après, sur les circuits étrangers aussi, on va souvent rouler. Ouais. Du coup, voilà, donc c'est championnat du monde, Coupe de France, non? Ouais, Coupe de France, championnat de France aussi. D'accord. Et ça se passe où en France? C'est toujours le même endroit ou ça change tout le temps? Est-ce qu'il y en a dans la région, par exemple? Est-ce qu'il y a des... Enfin, déjà, où vous entraînez, par exemple? Ouais. Alors, on s'entraîne principalement sur Fabreg. Ouais. En fait, il y a deux vrais terrains dédiés à cette discipline autour de Montpellier. Il y en a un sur Saint-Gély-du-Fesc et un autre sur Fabreg. Après, on a la chance de pouvoir s'entraîner en pleine nature dans pas mal de carrières du côté de Sommières. Et c'est un sport naturel en tout. En street aussi, ça le fait. Il y a pas mal de spots. Où ça? Sur Montpellier. Partout. Ouais, partout, ouais. Est-ce qu'il y a une équipe de France de VTT Trial? Bien sûr. Et comment ça se passe, les sélections en équipe de France? Il y a des sélections, je suppose. Ouais. Alors, on a des critères qui sont définis par notre sélectionneur. Et pour y rentrer, il y a des quotas aussi, il y a critères et quotas. Cette année, les quotas ont été réduits. On est passé, je parle pour les garçons, à 3 sélectionnés chez les seniors pour les championnats du monde. Et il faut faire partie des 6 meilleurs mondiaux. Ah oui. Ouais. Donc c'est assez restreint en effet. Ouais, c'est très restreint. Et les 3 meilleurs mondiaux chez les filles. Ah oui. C'est ça, mais disons que la France, en général, dans cette discipline, elle est quand même vraiment super bien classée. Donc par exemple, le numéro 1 mondial, c'est un Français. Et parmi les 5 premiers mondiaux dans le classement mondial, il y a 3 ou 4 Français, 4 je crois. Ah oui. Du coup, de suite, ça devient très compliqué de se positionner dans cette équipe de France. Puis il y a surtout des élites qui sont là, qui ont 30 ans et qui sont là, du coup, depuis plus de 10 ans à occuper les premiers postes de l'équipe de France. Donc, c'est plus dur pour les jeunes d'y rentrer, mais bon, ça fait la difficulté du sport et la beauté aussi. Justement, j'ai demandé... Est-ce qu'il y avait des pays qui étaient prédominants dans ce sport? Mais je suppose que la France, du coup, est bien classée. Hein. Ouais, très bien classée, ouais. France, ouais. Espagne, Allemagne, je pense que c'est eux qui... Les pays européens, notamment? Ouais. Donc, ouais, je voyais plus des pays peut-être plus américains, non? Eh non. C'est un a priori qu'on a? C'est l'Europe qui est leader du sport, pour une fois. Au niveau pratique, on peut parler des entraînements, pardon. Quels sont les entraînements typiques donc d'un trialiste ou trialiste. Je sais pas pourquoi je le dis en mode anglais. Ouais. Est-ce que, enfin, niveau de la surface déjà, est-ce, et puis aussi, est-ce que, quel est le pourcentage de muscu gym, on va dire, dans votre entraînement? Alors, je pense que ça dépend vraiment de ce que l'on veut, de ce que l'on a besoin, et surtout du pilote. Personnellement, en tout cas chez les garçons, je pense qu'on est à peu près à 25% de muscu et le reste en vélo. Sur le vélo, on travaille principalement nos défauts, donc il y a plein de techniques pour franchir un obstacle. Et pour réussir en compétition, il faut savoir toutes les maîtriser. Et voilà, il ne faut pas faire d'impasse. Du coup, à l'entraînement, on travaille nos défauts, on travaille les marches, les obstacles qui soient de plus en plus gros. Et voilà, le but, c'est de toujours pas poser le pied à terre. D'accord. Et donc, c'est à peu près ça aussi. C'est exactement pareil. Ouais. Et est-ce qu'il y a un peu un point mental à avoir dans son sport? Est-ce que ça a une grosse conséquence dans ce sport? C'est un très gros aspect de ce sport, moi, je pense. Disons qu'on le voit assez régulièrement, des pilotes qui, à l'entraînement, sont vraiment très très forts. Et en compétition, ils sont... Ah ouais. C'est les jambes qui tremblent à ce moment-là. Ouais, ça reflète pas leur niveau à l'entraînement. Mais en fait, ça nécessite vraiment beaucoup de concentration. Une zone, du coup, on a 2 à 3 tours de 5 zones à compétition. Mmh. Et une zone, ça dure 2 minutes. Du coup, dans cette zone, il y a plusieurs obstacles. Et pendant ces 2 minutes, du coup, on doit être vraiment concentré. On est en permanence en équilibre. Du coup, faut vraiment faire attention à ce qu'on fait en permanence. Du coup, d'accord. Le mental a un gros aspect. Mmh. On pourrait pas le croire non plus puisque c'est quand même un sport assez physique, mais comme dans tous les sports, je suppose que c'est le cas. Au niveau du... On revient peut-être à la musculation. Est-ce qu'il y a des zones du corps plus musclées que les autres ou c'est plutôt global? Ouais, je pense qu'on reste une discipline du vélo. Du coup, pour avancer sur un vélo, il faut pousser sur les jambes. Et, ouais, en trial, beaucoup, beaucoup de jambes et pas mal de dorsaux également. Gainage aussi, ouais, non? Ouais, gainage pour équilibre, attraper l'équilibre, ouais. Pour pouvoir emmener le vélo là où on le veut. Ouais, c'est vraiment jambes, dorsaux et puis abdominaux lombaires. Est-ce que vous avez un peu des idoles dans ce sport? Alors moi, au début, je connais pas trop le VTT. Déjà, je voyais pas la différence entre VTT trial et cross-country. Donc pour moi, les premières choses que je voyais, c'était donc Pauline Ferrand-Prévot qui en a fait, je suppose. Mmh. Cross country, c'est Julien Absalon qui a été plusieurs fois médaillé. Et puis Miguel Martinez aussi, j'ai vu qui était médaillé également. Est-ce que vous en avez vous ou est-ce que c'est ceux que j'ai cités aussi? Dans la région, on a la chance d'avoir un triple champion du monde, enfin, un ancien triple champion du monde, Marc Quesso. Ouais, il est de Fabregue et c'était à tous les trois notre premier entraîneur. Et actuellement encore entraîneur de Maïs. Cédric Calvin, ça vous parle? Cédric Calvin, ouais, qui s'entraînait avec Marc Quesso également. Monsieur nous cache des choses au fond. C'est mon cousin, cousin Germain, Cédric, c'est pour Calvin. Ah d'accord. Du coup, des idoles dans votre sport? Pour rester dans la région, il y a aussi sur le bassin de Montpellier, Myriam Nicole et Victor Koretsky, qui s'entraînent avec nous au Krebs de Montpellier, du coup, qui sont dans deux disciplines très différentes. Donc, toujours dans le cyclisme, mais Myriam fait de la descente et Victor du cross-country. Mais c'est toujours assez sympa de... Et Victor fait aussi du cyclisme sur route. Ouais, traditionnel. Ouais. Avec son frère. Ouais, ouais, ça. Exact. Ouais. Clément Kroatski. Vous m'étonnez tout ça. Incroyable, hein. Comment se porte, là, une question qu'il fallait aborder, comment se porte le financement? Est-ce que le VTT fait aussi partie des sports... on dit à sponsor, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans, ou pas du tout? Ou est-ce que c'est comme le cyclisme sur piste, le cyclisme sur route, où c'est des équipes qui vous donnent plutôt le financement? Je pense que ça dépend aussi des pilotes. Il y a pas mal de pilotes qui fonctionnent simplement avec des sponsors privés. D'autres font partie de teams. Avec Manon, on fait partie d'un team qui nous finance nos saisons et voilà, on se débrouille comme ça. Et par contre, si on veut espérer tirer un salaire de notre sport, c'est 100% grâce au sponsor. Privé. Ouais. Ouais. Après, on fait partie du team, mais on peut néanmoins avoir des sponsors privés. Mm-hmm. Du coup, ça nous laisse une certaine liberté, ce team, comme il sait que c'est compliqué dans notre sport, donc c'est assez sympa aussi. D'accord. Vous êtes professionnel ? Non, on est tous étudiants ici. Ouais. Oui, mais est-ce qu'il y a un statut de niveau ? Voilà, un statut ouais, de, oui, statut ouais, de ouais. niveau. On est tous sur les listes du ministère de haut niveau. Ouais. D'accord. Ouais, puisque tu parles du financement, justement, mon cousin, à peu près en fin de carrière, il faisait pas mal de démos. Ouais. En fait, presque tous les trialistes finissent par faire ça. On a la chance d'avoir un sport qui est très spectaculaire. On peut le montrer sur un espace vraiment très réduit. On a besoin presque de rien, même sur le plat, on arrive à impressionner. Et du coup, il y a pas mal d'organisations qui réclament des shows de vélo trial pour animer un peu leurs événements. Et nous, ça nous permet de vivre. Et eux, ça leur permet d'avoir une belle attraction sur un événement. Du coup, vu que vous êtes des sportifs de haut niveau, l'alimentation doit être stricte également. Comment ça se passe au niveau de l'alimentation, de la diététique, surtout pour vous? On doit pas faire trop d'excès aussi, je suppose. Ouais. En fait, c'est compliqué. C'est compliqué. En théorie. Ouais, non, mais en théorie, on fait pas d'excès. Plus, on est dans un sport très explosif, donc il faut trouver le juste milieu entre trop sec, donc trop maigre et en surpoids. Le problème d'être un peu léger, ce serait le risque de blessure. Moi personnellement, j'avais entamé un régime très très strict et ça a été une catastrophe. Vraiment, je n'arrivais pas à tenir mon vélo, j'arrivais pas à sur la durée. En fait, je tenais pas sur les compétitions et j'ai fini par me blesser. C'est vraiment, il faut trouver le juste milieu. Il faut pas manger n'importe quoi parce que les crampes arrivent aussi. Genre les Doritos qui sont au milieu de la table. Ouais, interdit. Nous, on peut se le permettre. Quelles sont les qualités pour être un bon trialiste? Beaucoup de patience. De la patience? Ah bon. Ouais. Parce qu'il faut refaire les mêmes tricks, non? Plusieurs fois? Ouais, les gestes, on appelle ça des gestes. C'est un sport de répétition quand même. Ouais. Ouais. C'est jamais les mêmes obstacles, mais c'est toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes techniques. D'accord, donc la patience. Ok. Et dernière question, peut-être à moins que vous en avez d'autres, sur le sport en lui-même, non? Donc c'est toujours la même question que je pose à chaque fois aux invités. S'il y a des personnes qui nous écoutent, notamment des jeunes, et qui veulent commencer ce sport, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour qu'ils commencent? Bah, de foncer et d'être patient. Oui, vas-y, ouais, Guillaume. Une question, est-ce qu'il y a beaucoup de clubs, parce que tous les clubs de cyclisme proposent le trial? Ou c'est très dur, il n'y a que le cyclisme sur route qui prédomine en fait? Non, sincèrement, si on va d'un club quelconque, les entraîneurs vont dire « Ah ben prends ton VTT et viens rouler avec nous » parce que c'est ce qu'ils proposent au final. Ils n'ont pas les structures appropriées à ce sport et c'est beaucoup plus simple de partir faire une randonnée que de trouver des rochers, des troncs d'arbres pour faire du trial. Ouais, et puis c'est assez compliqué de trouver des entraîneurs ou des éducateurs capables d'enseigner cette discipline. Je pense qu'il faut avoir un peu de vécu et surtout y avoir énormément réfléchi pour être capable de l'enseigner. Dans l'ex-Languedoc-Roussillon, il n'y avait qu'un club. Maintenant qu'on a regroupé Languedoc-Roussillon et Occitanie, on est à 6 clubs, donc c'est assez respectable, mais dans ces 6 clubs, par contre, on a des éducateurs confirmés et à même d'enseigner la discipline. Après, il y a toujours des clubs qui vont proposer du VTT trial, mais ce sera plutôt dédié au trophée régional des jeunes VTTistes dont on parlait tout à l'heure, qui regroupe cette discipline. Mais c'est plutôt de la maniabilité, du coup, on apprend plus à... dans l'esprit par exemple de faire du VTT ou plus de l'enduro, à vraiment savoir bouger son vélo et en faire ce qu'on veut. Du coup on appelle ça plus de la maniabilité que du trial pur. Tim, tu as une question? Ouais, juste une question. Comme vous savez, il y a le FIS chaque année et vous pensez pas que, sachant que le trial ça demande pas forcément beaucoup d'infrastructures, tu dis que sur un espace réduit on peut le faire, vous pensez pas qu'il y a quelque chose à faire de pouvoir instaurer ça au FIS? ça demande quand même certaines infrastructures. Ouais, ouais, bien sûr, mais, ouais, mais je pense que je sais pas, il y a bien de la trottinette, il y aurait pas du trial, tu vois. Ça serait vraiment un tremplin pour notre discipline. Bah ouais, c'est pour ça. Mais je pense qu'on a, pour l'instant, on a notre réglementation et la manière dont nos compétitions se déroulent, ça fonctionnerait pas du tout avec le FIS. Ouais, c'est trop long, trop répétitif, les gens s'en lasseraient. C'est peut-être pas assez attractif. Ouais. Bah, je sais pas, parce que tu dis que c'est long et répétitif, mais le flat c'est typiquement long et répétitif. Ouais, il y en a qui aiment bien, c'est assez esthétique, mais je trouve, moi je préfère perso voir du trial que du flat, quoi. Ouais, ouais, en fait, il faudrait juste qu'on arrive à trouver une règle qui serait assez spectaculaire, assez courte et, et qui du coup attirerait l'œil. Et... Ouais, voilà. Je pense que. Je sais pas, genre un temps limite pour parcourir tant d'obstacles, je sais pas. Bref. Et une règle surtout facilement compréhensible, parce que sincèrement, ce qui porte préjudice à notre sport, c'est la difficulté pour comprendre les règles. Quand le public arrive sur une compétition, on a toujours la même question, mais c'est quoi ? Pourquoi lui il a pris 5 ? Pourquoi ? Ah ouais, d'accord, ils comprennent pas la subjectivité des notes, d'accord. Très bien, on va passer aux questions plus individuelles, entre guillemets. Je t'en prie. Et on va passer donc peut-être à vos objectifs à court terme. Qu'est-ce que vous prétendez, vu que là vous nous avez dit juste avant l'émission que c'est le début de la saison qui arrive. Quels sont vos objectifs sur cette saison, par exemple? Moi personnellement, j'aimerais bien faire toutes les finales des Coupes du Monde cette année, c'est-à-dire un top 6, et me qualifier pour les championnats d'Europe et les championnats du monde cette année. Ce serait vraiment le top du top. Et c'est faisable ou pas? C'est faisable? Tu penses que tu peux y arriver? Ouais. Ouais. Bon. Donc, avec souhaite, beaucoup d'entraînement, mais ça va le faire. Du coup Moi, j'ai fait une saison assez énorme l'an dernier. J'ai terminé seconde mondiale. Du coup, je vois pas ce que je peux espérer de mieux, sincèrement. La première place, mais... Déjà, si je peux refaire la même saison, ça serait vraiment cool. Donc c'est ta première saison ou tu fais une si grosse saison ou Ouais, c'est fait... ma première saison, ouais. Auparavant, je stagnais dans les 5e, 6e places et là... Du coup, c'est une pression supplémentaire de faire mieux ou pas du tout? Non, sincèrement, pas forcément. Après, je peux pas le dire comme ça parce qu'on n'a pas attaqué les Coupes du Monde, mais je pense que c'est pas une pression supplémentaire, c'est une saison différente. Ok, donc du coup, tes objectifs Pour moi, c'est un peu plus compliqué. Je sors de la catégorie junior où j'ai loupé le titre mondial à une erreur de concentration. Du coup, j'entame ma première année senior. Je me battrai donc contre les meilleurs. Ouais, les meilleurs de la discipline, les tauliers. Ils ont plus de 30 ans, dont au moins 20 ans de vélo. Donc pour moi, l'objectif, ce serait quand même de faire une finale. Moi, une finale en Coupe du Monde, ça veut dire rentrer dans les 6 premiers mondiaux. Pour ma première année senior, je pense que ce serait un bel objectif. Et du coup, de ce fait, je pourrais espérer rentrer dans les quotas de sélection pour les championnats d'Europe et les championnats du monde senior. Ok. Et justement, vous êtes assez jeune encore, mais est-ce que ça vous arrive de penser à changer de discipline, aller dans une autre spécificité du VTT? Je pense que c'est pas possible et plus possible. Ouais. Tard. Ouais. C'est un peu tard. C'est un peu tard de changer. C'est des années de pratique avant d'arriver à un niveau comme on a et je pense que c'est pas possible sincèrement. D'accord. Ouais, c'est ça, on a consacré, enfin personnellement j'ai consacré 11 ans de ma vie, de mon temps pour être au plus haut niveau. Je me verrais pas changer de sport, quitte à me réorienter. Je pense que faudrait arrêter. Et du coup, dernière question, est-ce que, pour nous faire un petit peu rêver peut-être et ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des spots, je pense qu'on les appelle comme ça, des spots, qui font un peu rêver, où vous voudriez aller à l'avenir? Peut-être dans le monde entier, ou voire même en France, est-ce qu'il y a des spots? Barcelone, c'est la Mecque du VTT Trial. Ah ouais. Il y a plein de spots, et ils sont vraiment super beaux. Et ça reflète vraiment les parcours que l'on retrouve en Coupe du Monde. Donc c'est super intéressant d'aller travailler là-bas l'hiver. Ah oui, je suppose qu'en plein hiver. Du coup là, vous en avez pour combien de temps de saison, au niveau de la saison? Novembre. Jusqu'à novembre. Novembre, ouais. Bon. Bah bon courage à vous et puis on vous remercie d'être venu ce soir parler du VTT Trial. Ouais. Merci à vous. Je n'ai pas fait la faute là. Et bah on espère que ça sera surtout olympique parce que je pense que dès qu'une discipline devient olympique, c'est un bond énorme. Bah c'est une visibilité en plus quoi. Ouais. Voilà. Donc on espère ça pour vous et déjà le 6 ça serait bien. Ouais, ça serait bien. Ça serait énorme. Ça serait le premier pas. On vous remercie et quant à nous, on va passer à notre deuxième pause musicale. Encore un titre très hispanique, Tim, que tu m'as choisi. Vas-y, attention. C'est Rabo de Saya et le titre est Ripa na Xulipa. A tout de suite. Ripa na Xulipa, ripa. Bonjour, bienvenue. Tu disais, Paul ? Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Campus. Bienvenue. De retour dans le Spartan Shield, c'était Rabot Desaya et avec Ripa Na Xulipa, c'était le titre. Tout de suite, on passe à la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde, vous avez entendu Tim réagir parce que ça a commencé depuis plus de 3 minutes avec le décalage là. 2-0 donc pour c'est... la Tunisie. Non, Angleterre-Tunisie qui vient de commencer, donc 0-0. Mais une grosse action du côté britannique si je me trompe pas. On va faire du direct hein, si vous voulez avec les Tunisiens qui non, non. dégagent le ballon et qui trouvent la touche. On va parler un peu de... On va parler un peu du début de la Coupe du Monde. On va commencer par cette question toute simple. Qu'avez-vous pensé donc des trois favoris, Allemagne, Brésil et Espagne, de ce début de compétition? Bon, l'Allemagne a fait un très bon match en tout cas hier soir. Non, c'est une déception, je m'attendais pas du tout. Cette défaite face au Mexique 1-0, surtout que. Y a pas la vidéo, hein. Surtout que le Mexique a fait un match remarquable, c'est sûr. Mais les Allemands sont pour moi passés complètement à côté de ce match. Et le Brésil a été tenu en échec par la Suisse. Je trouve que ce sont à chaque fois des matchs mérités, des scores mérités, je veux dire. Et puis l'Espagne aurait mis 3-0 si Cristiano Ronaldo n'était pas là. Donc je sais pas si vous partagez mon avis, messieurs. Tim, je vais demander de m'écouter s'il te plaît. Non, mais je t'ai écouté, non, je vais faire deux choses en même temps. Quelle erreur d'avoir mis le match, je l'ai enlevé de suite. Hein. Là, on pouvait plus. Là. Non, ouais, non, je suis d'accord. Après, j'ai pas trop saisi ce que tu disais sur le Brésil, du coup. Non, je disais que le Brésil a été tenu en échec par la Suisse, logiquement, parce que la Suisse, encore une fois, fait un gros match. Mm-hmm. Comme toutes les petites équipes, les outsiders, à chaque fois, en tout cas, de chaque match, arrivent très bien à tenir tête aux meilleurs. Et on l'a vu sur ce début de Coupe du Monde, que même la France aussi a galéré face à l'Australie, mais je pense que ça, on y reviendra un peu plus tard. Oui. Ouais. Comment vous l'expliquez, cette défaillance, si on peut appeler ça comme ça, de l'Espagne de l'Allemagne. La pression n'est pas la même déjà en Coupe du Monde pour chaque équipe, pas forcément pour l'Allemagne. La pression n'est pas la même et au contraire, ceux qui n'ont rien à perdre, et ben n'ont rien à perdre. Ils n'ont pas de pression et justement ont des systèmes en place pour bien contrer les équipes favorites. Il y a une autre donnée aussi, c'est que les grosses nations sont préparées physiquement pour arriver au bout, c'est-à-dire pour jouer cet match. Les équipes comme la Suisse, ils peuvent espérer aller peut-être un peu plus loin. Genre le Mexique, mais, par exemple. Le Mexique, ils sont là pour essayer de passer les poules, donc physiquement ils sont à fond. Moi, ce que je pensais, tu penses que, ouais, ça se voit. Je pensais vraiment que aller à la 50e, 60e, les équipes allaient tomber, comme l'Australie, et pendant 90 minutes, ils n'ont pas lâché physiquement. Je pense que les mecs ils sont déjà au top, alors que nous. Après, ils peuvent faire un choix stratégique sur l'ordre des matchs en poule. Par exemple, le Mexique, ils peuvent se permettre de faire un match nul au prochain match et peut-être de lever un peu le pied. Maintenant qu'ils ont gagné, oui. Voilà. Je pense au contraire, ils ont préparé chaque compétition comme des malades. Et je pense pas qu'il y ait une montée en puissance physique et d'endurance de la part des cadors. Ce qui pour moi serait une grave erreur, on le voit à la preuve. C'est que l'Allemagne a perdu contre le Mexique. S'il perd le prochain match, il passe à la trappe. Et surtout que s'il finit second, il se tape le Brésil en 8e. Donc ça serait vraiment une erreur stratégique. Oui, pour nous. Ce serait une erreur stratégique de pas arriver à bloc au début de Coupe du Monde. C'est pas inquiétant pour vous, c'est en tout cas physiquement. C'est point perdu. Physiquement, je parle. C'est non. Pas inquiétant. Ah, pas du tout. Pas du ils tout. Ont quand même bien la pression hein, parce que c'est Suède au prochain match, donc pas ouais. L'erreur quoi. Suède qui a gagné. Qui a gagné leur faire match nul pour se qualifier directement. Non, je suis pas inquiétant, mais on voit que c'est quand même toujours dur pour les grandes nations de rentrer dans une compétition comme ça, parce qu'il y a forcément plus de pression. Puis sur des équipes, typiquement la Suisse et le Mexique, c'est des équipes. Confirmées. Voilà, des équipes, j'allais dire, dont on parle finalement peu, puisqu'on parle plus des favoris, mais qui sont des équipes quand même qui ont de l'expérience et des bons joueurs internationaux. Mais voilà, après, ils vont devoir réagir au deuxième match, je pense que c'est là vraiment que la décision se fera. Et après, c'est des nations qui vont sans doute monter en puissance aussi. Hein. Je pense surtout au Brésil, par exemple. Brésil, Allemagne, France. L'Espagne a déjà mis la barre assez haut, je crois. Voilà, l'Espagne est déjà au point dans le jeu. Ça fait 12 ans qu'ils sont au point dans le jeu. C'est donc, clair, ça change pas. Impressionnant. Ma deuxième question, c'est quelle est l'équipe qui vous a surpris Et pourquoi ? Surprise, pardon, merci. Moi, je vais dire le Mexique parce que j'ai regardé le match en entier et franchement, je pense que c'est le deuxième meilleur match pour l'instant de la Coupe du Monde avec soit Espagne-Portugal qui était magnifique. Je vais peut-être être plus... T'as pas aimé ? Si, si, au contraire. J'ai préféré même ce match au match du Portugal-Espagne malgré qu'il y a eu quand même beaucoup de nombreux buts. Le scénario est beau, t'as des bons buts. Comme j'expliquais à Guillaume auparavant, c'est surtout le système de jeu un peu... Enfin, le jeu un peu première ligue, ce qui a dégagé dans ce match Allemagne-Mexique, c'est-à-dire un match décousu. Dès qu'il y a des anglophones, s'il te plaît, ça. Ouais, non, mais dès que ça part un peu dans tous les sens, moi je trouve que c'est un match plus intéressant à regarder. C'est ça qui nous régale, ouais. Mais il y a d'autres matchs qui sont partis un peu dans tous les sens où on voyait que techniquement c'était pas ça. Pérou, pas Suède-Corée du Sud en tout cas. Non, pas Suède-Corée du Sud. Mais Pérou-Danemark, 1-0, certes, mais. Ouais, le match c'était pas si déplaisant à regarder. Le Pérou d'ailleurs. On va se méfier. À mon avis, on va vraiment galérer. On en parlera après. Et je pensais que ce seraient des équipes qui fermeraient le jeu, les équipes supposées plus faibles. Mm. Et non, le Pérou a vraiment embêté le Danemark. Hein. Après, ils c'est des équipes sud-américaines, on les connaît. Oui, équipes généralement bon, joueuses. Ils vont pas nous lâcher. Est-ce que vous avez donc une équipe pour vous, peut-être. Qui est passée à travers. On peut parler. Non, ce qui vous a surprise, mais. D'accord. L'équipe qui m'a surprise. Ah. On peut parler peut-être de l'Islande. L'Islande, alors justement, j'allais venir l'Argentine en fait. J'allais dire l'Argentine a été totalement décevante. Messi qui est censé être le cœur de cette équipe. À repenser à ce que tu m'as dit. Hein. Le leader, franchement, ouais, c'est que l'Argentine parce va se planter. Contre la Croatie, ils vont vraiment lutter. Et même contre le Nigeria, ce sera pas une partie de plaisir. Après en 2014, il est en finale sans être brillant dans le jeu. Tout à fait, ouais, donc ça tombe jamais. Et puis Messi, mais faut pas oublier que Messi loupe un penalty. Il est très très mal tiré. Il a 4 sur 7 sur les essais d'un penalty. J'ai une théorie sur ça, donc sur ces équipes-là, à savoir que des équipes qui se reposent sur un joueur seulement. J'ai l'impression que, bon, c'est même pas une impression, c'est que c'est sûr que c'est Messi est plus important que l'entraîneur. Donc déjà, c'est un problème, je pense, c'est lui qui fait l'équipe dans la sélection. Moi, je comprends pas cette équipe. Et l'Argentine s'est quand même qualifiée en finale de la dernière Coupe du Monde. Notamment grâce à Di Maria qui les a portés à un moment ou à un autre, à Messi aussi qui était là forcément. Mais est-ce que les équipes comme ça qui se reposent seulement sur un joueur ne peuvent pas aller, enfin, ne vont pas loin dans la compétition quoi. Ouverture du score pour l'Angleterre. Hi Kain. Voilà. Ah d'accord. Non non. Attends, vas-y, tourne l'ordi pour moi. Vas-y, Guillaume, je t'en prie. Je pense pas que tu puisses gagner la compétition avec un seul joueur. C'est-à-dire que pour l'Argentine, il va falloir vraiment. Une équipe peut le faire. Le Portugal. Non, ouais, mais ils ne seront pas champions du monde. Mais ils ne seront pas champions du monde. Et le. Pas pour moi. Le Portugal en 2016, il n'y a pas que Ronaldo. Il est très fort, il fait un gros tournoi. Non, après. Il y a Nani, il y a Quaresma. Il y a Simon Hider. Sanchez. Hider, il y a rien d'autre. Qui n'a jamais confirmé d'ailleurs. Non, le pauvre. Enfin, le pauvre, il est bien payé, mais. Ouais, c'est clair. Mais je ne pense pas que non, tu puisses gagner, surtout la Coupe du Monde, l'Euro, bon. C'est pour ça que j'ai vu l'Argentine assez basse, c'est qu'ils se reposent trop sur un seul joueur. Et ça peut être le cas aussi du Portugal. Et je vois pas des équipes comme ça qui peuvent aller aussi loin. Quoi. Pourtant, t'as quand même une armada en Argentine. Enfin, t'as une attaque. Non, mais c'est le problème de cette équipe. C'est Di Maria, Agüero, Pastore et. Pastore, pardon. Dybala. Il n'y a même pas Icardi au mondial. Mais si. T'as Dybala où il gagne sur le banc, c'est vrai que c'est tout dit quoi. C'est un truc de fou. Dybala qui rentre pas une minute contre l'Islande. Non, il peut rentrer Dybala. Il a fait rentrer en milieu. Banega et... Mesa, je sais même pas qui c'est. Il joue... Ouais. Du coup, qui est titulaire dans cette équipe. Ouais, mais oui, t'es gentil. Ouais. Une grande qualité pour moi. C'est incompréhensible. Cette équipe... Cette équipe d'Argentine est incompréhensible. Après, il ne faut pas oublier que l'Islande a fait un. Oui, ils ont le match qu'on attendait d'eux, voilà, combatif. Techniquement, c'est pas. Ben, ils n'arrivent pas à faire du jeu. Vous avez vu les audiences en Islande ? Non. Ouais, 99,6% des Islandais ont regardé le match. Non, alors c'est 99,6% de ceux qui regardaient la télé regardaient le match. Sinon, ils regardaient des chiffres. C'est quand même monstrueux, ça veut dire que tout le monde avait les yeux rivés. Tous les autres, ils étaient regardés. Tu me diras, il y a quand même 30 000 qui sont à Moscou pour supporter l'Islande. Ouais, c'est plus facile. Sur les 300 000 qui habitent en Islande. Donc. À comparer, la France, ils étaient 2500. Ça, on est ridicule, franchement. Quand je vois les Australiens qui sont à plus de 15 000 km de la Russie venir à 10-15 000 et nous les 2500, mais Fédé. Ah, mais attends, c'est pas pareil. Mais la Fédé n'aide pas aussi. Ouais, il faut aider. On est ridicule. On va justement parler de l'équipe de France parce que je suppose qu'il n'y a pas d'autre équipe qui vous a surpris positivement, excepté le Mexique. Danemark, j'ai bien aimé. L'Iran aussi a fait un bon match. C'est quand même leur, ouais, c'est leur deuxième victoire de leur histoire. Qui s'attendait à 5-0 après 98 contre les États-Unis, je crois. Ouais, c'est ouf. Ouais. Du coup, on va passer à l'équipe de France à débriefer le match. Je pense qu'on est tous d'accord match, pour dire. Pour dire qu'on a fait le boulot dans le sens où on a pris les 3 points, c'est un peu un discours de footballeur ça. L'important c'était les 3 points. Mais est-ce que c'était pas au final logique qu'on fasse un match comme ça? C'est l'équipe de France au final, c'est l'équipe de Deschamps. Et au final on savait que ça allait être un match accroché, un match pas réellement offensif et un match très étriqué. Moi je pensais au contraire que ça allait être un match très offensif parce que tu mets une équipe pour être offensif. Avec un trio devant Dembélé, Mbappé, Griezmann, qui au final joue avec trois milieux quand même. Oui, et dont un qui a un rôle de centre, enfin N'Golo Kanté qui est plus qui a plus un rôle défensif que Pogba. Tolisso c'est pas spécialement un milieu offensif. Tolisso est passé complètement à travers, je trouvais. Ouais. N'Golo Kanté défensif, Dembélé, c'est un euphémisme. Griezmann, Mbappé se sont marchés sur les pieds, ils se trouvaient pas. Dembélé, on l'a pas vu. Moi, c'est celui qui m'a le plus énervé, Dembélé. Ouais. Griezmann a essayé de faire la police plusieurs fois devant en disant je prends le centre, non je prends la droite, non je prends la gauche. Qui était le plus décevant? Dembélé pour moi. Dembélé, sans hésitation. Dembélé, avec Tolisso. Peut-être pas le plus nul, mais le plus décevant. Dembélé. Décevant Griezmann. Décevant Griezmann par rapport à ce qu'on attend de lui. Ah, Umtiti, c'est vraiment son erreur. Je suis pas d'accord pour Griezmann. Ouais, bon, quelle erreur. Surtout, moi, c'est ce qu'il a dit après le match qui m'a énervé. Le mec, il fait une main au volet, il dit ouais, c'est un fait de jeu, ça arrive calmement. Enfin, le mec a complètement pénalisé son équipe, quoi. Il a un détachement par rapport à ça. Il me saoule un peu là. Umtiti. Ouais. De toute façon, j'ai pas l'impression qu'il y ait un joueur français dans la communication qui soit bon. Donc, Matuidi. Giroud peut-être. Griezmann fait des belles vidéos. Est-ce que Dembélé, à l'image de Martial pendant l'Euro 2016, a perdu sa place et ne jouera plus Non, je pense pas qu'il faut être si catégorique. C'est ce qui est arrivé avec Martial. Vous avez rappelé contre l'Albanie. Il a fait un match absolument catastrophique à l'image d'Dembélé, ce match-ci. Des mecs comme et il n'a plus joué. Lemar sur le banc qui pourrait être utilisé. Ouais, oui. Fekir. Ouais. Fekir aussi qui pourrait. Si jamais tu passes en 4-2-3-1. Je sais qu'Alex le déteste. Non, mais il a fait une rentrée vraiment. Catastrophique aussi. Ouais, on peut le dire. Ouais. Il a sauvé l'équipe quoi. Il a tout raté. Il y a peut-être une chance pour qu'on revoie certains joueurs qui ont été décevants, c'est qu'on gagne le deuxième match et qu'on fasse jouer les coiffeurs. Les coiffeurs, comme on dit. Pourquoi pas redonner une chance à Dembélé Info en direct, le gardien de la Tunisie est blessé et sort. Une sortie, ouais. Une sortie. Ah mince, ouais, ça, voilà. C'est pas bon pour mon 2, hein, ça. Alors, ouais. Mais ouais, je pense que du coup, Dembélé, c'est potentiellement le plus perdant des 3 là-devant parce que je pense que Deschamps va mettre Giroud au prochain match. C'était pourtant l'équipe. Légitimement. C'était honnêtement le 11 qui était le plus demandé et qui était plutôt correct. Et au final le Giroud qui rentre, c'était plutôt une bonne stratégie de la part des champs pour une fois, avec un Giroud qui pèse sur les défenses et qui a lancé le deuxième but. Pour moi ça a été plus efficace dans l'autre sens, c'est-à-dire que t'as d'abord Giroud qui épuise justement les milieux devant en pivot, etc. Et après tu fais monter les flèches Dembélé, Mbappé, Lemar, etc. Mais est-ce qu'on peut aussi parler d'un problème de coaching de base, hein, en mettant justement ce trio-là d'entrée. Après il a fait un bon coaching, mais si on parle des choix au tout début, là par contre ça peut être discutable. Pourquoi mettre Tolisso et pas Matuidi, même si Tolisso a convaincu pendant les matchs de préparation. Là Matuidi sera titulaire au prochain match. Là c'est sûr. Hernandez a été bon. Oui, les deux latéraux ont été bons. Ah, Pavard, moi je l'ai trouvé très décevant. Offensivement, c'est pas. Pavard, en vrai, c'est pas. Il a fait plusieurs fois inutile, j'ai pas du tout aimé moi, Pavard personnellement. Moi j'ai aimé les latéraux ainsi que N'Golo Kanté. Je pense que c'est les trois. Généralement, s'il y en a un dans cette équipe qui doit être titulaire à tous les matchs, c'est Kanté, c'est le seul. Ça c'est sûr. Mais alors, on en discutait la dernière fois. Enfin, moi j'en discutais. Tu veux une équipe offensive, N'Golo Kanté, pourquoi le mettre en sentinelle, tu vois? Si tu mets une attaque comme ça devant. Il joue plus haut à Chelsea. Il joue largement plus haut. Il a joué 1 mètre devant Varane à peu près à chaque fois devant le match. Dans le match. Ouais, c'est un mètre en bas. Là, c'est un libéro. Là. Non, franchement, c'était quasiment un défenseur en ce moment. Quoi, c'est ça, voilà. Jouer avec un autre en 4-2-3-1, quoi, avec un autre sentinelle. Non, le problème, non, c'est parce qu'en fait, je suis un fan de Kanté et je l'imagine pas, tu vois. En fait, limite, passer pourquoi pas en 4-2-3-1 Mais je pense pas qu'il peut jouer à Chelsea comme équipe de France. Est-ce que le problème, c'est pas la compo, mais plutôt le coaching le système de jeu de Deschamps? Le système de jeu, le 4-2-3-1, s'il y avait un match pour le tester, c'est celui-là, quoi. C'était pas les deux prochains. Au final, même s'il mettait un 4-2-3-1, c'est du Deschamps et ça resterait peut-être défensif. Bah, si tu mets Fekir en 10 derrière Giroud devant et deux mecs sur les côtés, c'est quand même pas pareil quoi. Ouais. D'accord. Après, il y a aussi la question de la défense qui est une défense plus attentiste tout de même qu'une défense en pressing. Ça, c'est quelque chose qui nous caractérise depuis des années en équipe de France. Ah, j'ai crisé sur le coup franc qui amène le pénalty, Australien. Ouais. Mais attaque ton ballon. Moi, je ne comprends pas pourquoi les mecs attendent, en fait. Comme si c'était une zone, en fait, et ils attendaient les attaques australiennes. Après, je pense que c'est les consignes de Deschamps qui doivent leur dire ne pressez pas trop, attendez les barres. Mais des consignes contre l'Espagne, d'accord, ces consignes-là. Mais des consignes comme l'Australie. Moi, comme toi, j'attendais beaucoup plus de pressing, un bloc un peu plus incisif, un peu plus haut. J'ai pas trop compris le. Surtout quand tu vois quelques heures après le match le lendemain le match du Mexique, le mec il court partout, il met un rythme incroyable. Là, tu te dis oula, on va avoir du mal contre des équipes qui. Après, je suis comme le Pérou. C'est la France, donc d'un coup tout le monde verse dans le pessimisme parce qu'on a fait un match moyen, mais. Ouais. On n'est pas les seuls non plus. Non, mais on n'est pas pessimiste. On attend juste mieux par rapport à la qualité de l'effectif. Est-ce que c'est pas la condition pour que l'équipe de France aille loin? Généralement, dès qu'ils sont un peu critiqués, c'est limite si ça doit venir les meilleurs. C'est limite ça pourrait nous faire du bien pour le Pérou, justement. Tout le monde dit ouais, faut faire gaffe au Pérou, ça va être peut-être les meilleurs de la poule. Justement, on va parler du Pérou. Quelle est la composition pour vous? Excuse-moi, tu veux. Non, okay, vas-y. Non, mais je croyais que t'avais fini. Non, vas-y. Quelle est la composition d'équipe à mettre contre le Pérou? Parce que, honnêtement, d'un avis personnel, je pense que c'est peut-être le match le plus dur. Et je parierais plus à un 0-0, voyez-vous. Un Barthez, De Saï, Thuram. Il est à gauche. Et du Vicente à gauche, je prends. Et Guy Varche. Et Guy Varche. Non, ça non, par contre. Et non, du coup, Guillaume. Sérieusement. La même défense. La même défense parce que on va pas changer de charnière en pleine compétition, même si j'adorerais voir Kimpembe. Kanté, Matuidi, Pogba, mais par défaut pour moi. Et devant Griezmann, Mbappé, Giroud. Ouais, pareil. Ouais, du coup, on garde le même système, mais Giroud. Et tu mets Griezmann en 9,5, tu vois, tu mets derrière Giroud, un peu en électron libre derrière, pas forcément, tu le fixes pas forcément à droite. Ah, t'étais le Flotov, moi, devant, tu vois. On aura le ballon. Tovin, t'aurais vu? Non, c'est une blague. Ah, c'est une blague, apparemment, ils ont fait un match amicaux, ceux qui n'ont pas joué. Il y a eu 19 de Spartak. L'homme du match était Tovin. Ok, t'as lu à la Provence? Non. Même pas. J'ai lu un autre média, moi, et il critiquait Tovin. Ah bon? Ouais, c'est pour ça que j'ai vu la contradiction entre les deux. T'as lu Parisien? La pluralité du journal. La Provence, justement, qui l'encensait, qui disait qu'il avait été très bon. Donc, vous voyez tous cette équipe-là, du coup? Oui, c'est le cas. Matuidi, il doit rentrer, ça c'est sûr. C'est le parce que Matuidi, il a un vrai leadership, il va vraiment booster l'équipe. Je comprends pas pourquoi il a pas commencé d'ailleurs. Il a un leadership. Très bien. C'est sûr. C'est plus un meneur d'homme que certains. Parce que là, il n'y en avait pas pour moi des meneurs d'homme. T'as Griezmann mais... Tu vois, on se faisait réflexion avec un pote au début du match. On disait, mais en fait, parce que pour moi, Lloris ne doit pas être le capitaine. On disait, mais en fait, à qui tu veux le donner ce brassard? À part Matuidi. Mais c'est ça, c'est exactement à personne, ça. C'est à personne, tout simplement. C'est un sujet. Lloris, c'est bon capitaine ou pas? Peut-être, mais bon, tu veux mettre qui d'autre? Varane. Non, Varane, c'est pas leader au Real. C'est une cracotte, Varane. Ce que je disais la dernière fois, c'est que dans les deux défenseurs et dans les deux défenses dans lesquelles il joue en club, c'est pas eux le patron de la défense centrale. Au Real, c'est Ramos, et à Barcelone, c'est Piqué. Exactement. Après, j'ai contrebalancé en disant aussi que au Real dernièrement, Varane, c'est surtout lui qui a sorti le Real un peu de situation compliquée, notamment en Ligue des Champions, où il a quand même fait des en matchs même temps, de plus intéressants que même Ramos. Donc, à voir. À voir. Après, dans le côté leadership, dans le côté rentre dedans, tu vois. Ah oui, en effet. Voilà, Varane, il sera jamais. En effet. Je me rappelle du but qu'il prend contre Mels. Après, il avait 4 ans de moins aussi. Le Brésil, on l'a vu hier, l'a bien deviné d'ailleurs en mettant Marcelo, qui lui est un rentre-dedans dans son équipe. Beaucoup plus que Neymar par exemple. C'est un buffle. On va passer à notre mini chronique que m'a suggéré Tim, mais aussi Alex. Une chronique un peu plus pronostique. Peut-être pas pronostic, mais cote des matchs qui arrivent. C'est ça, pour les parieurs un petit peu, qui comme nous sont un peu malades du jeu finalement. Donc moi je voulais j'ai perdu 30 euros, donc ouais, je veux bien. Ouais, bah je te cache pas que j'ai perdu pas mal aussi. Ils sont ruinés, mes chroniqueurs, allez-y, je vous en prie. Ça a remis un pari sur le pouce. Tu veux commencer, allez. Alex? Allez, bah du coup, donc, comme c'était la première fois qu'on abordait ce sujet des paris sportifs, vous voulez faire les choses dans les règles, vous faire... Petit, c'est quelqu'un de très très carré. Petite introduction et tout. Ouh là là, les conditions générales d'utilisation. Le numéro d'appel en cas d'urgence. Tu as environ 7 minutes. C'est parfait. Je pense que c'est parfait. Donc, Donc les paris sportifs auraient été créés avec les jeux, en même temps que les Jeux Olympiques et Empire Romain, tout ça, tout, jusqu'à la création en 1931 du PMU. Ouf. Ça sera ressorti en quiz. Pour la... pour le, donc, ce qui nous concerne plus à nous, donc les jeux en ligne, c'est en 2010 que en France le marché s'est ouvert avec, avec donc en ligne, avec l'arrivée de nombreux opérateurs comme Winamax, Unibet, Unibet et compagnie. Bwin, faut en citer trois. Et donc hier, l'année dernière en France, les jeux en ligne ont atteint un montant de 2,5 milliards d'euros, regroupant pas moins de 2 millions de joueurs. Donc Tim ici présent. Donc Tim, ouais, ouais, ce qui m'a frappé dans les chiffres, c'est la part que prend le foot dans les paris sportifs. Je pensais pas que c'était aussi prégnant par rapport aux autres sports. Alors sur ces 2 milliards et demi, il y a 1 milliard et demi sur le football et le deuxième sport qui vient ensuite, c'est le basket avec 120 millions, donc plus de 10 fois moins. Je trouve ça étonnant quand même que la NBA soit si haute par rapport au rugby ou au tennis. Et le tennis en 3. Le rugby n'est même pas dans les 3 premiers. Le rugby, c'est un des rares sports où les cotes sont pas très intéressantes. C'est pas intéressant. Ouais, c'est même sauf le basket non plus. Hein. Sauf le match le basket, les cotes sont vraiment pas intéressantes, sauf si vraiment t'as une intuition. Ouais. Le match nul, paradoxalement. Le match nul au rugby, la cote. Non, genre le match 1, le match 1 de Cleveland aux Warriors qui était à 7,25 et à cause de J.R. Smith qui passe pas. Ouais. Ce genre de cote. Il a rien fait, J.R. Smith était sévère. Donc du coup, donc dans ce contexte, on voit beaucoup de pubs qui arrivent à la télé, où on banalise un peu l'action du jeu quand même. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça va mon team. Et par exemple, tout plein d'autres plateformes qui se développent, comme celle que nous avons à peu près tous en cours, qui est Mon Petit Prono. Ouais. Où Tim est d'ailleurs. Et plutôt on veut se posture, non c'est la soupe à la grimace pour moi en ce moment. Et Romain qui est pas mal. Il faut le dire. Il est chaud. 140 points, je crois. Ouais. Moi, je sens pas. Du coup, c'est une plateforme qui était gérée par Mon Petit Gazon, qui est un autre, on va dire, jeu en ligne qui. Mais qui est vraiment virtuel pour le coup, sans argent. Virtuel. Sans argent, ouais, c'est vraiment là très ludique et il y a un système de cotes avec. Un peu à l'image des stickers Panini qui sont devenus aussi virtuels dernièrement pour pas dépenser. Pour ceux qui veulent. Et on voit que ça a pris vraiment un peu partout. Enfin, moi perso, j'ai une ligue avec l'équipe de foot, les potes du travail, les potes, les d'autres potes, enfin, il y en a partout quoi. Ils ne travaillent plus. Ouais, c'est l'engouement à la Coupe du Monde, comme tu dis, la balisation d'action. Ça met une pression pour le match. Quand on regarde les matchs, j'ai regardé le Corée du Sud, Suède, j'étais en bombe pour le premier tir. Enfin, en vrai, j'en ai rien à branler. Hein. Presque plus que quand tu mets des sous. Bah, c'est vrai que le Paris, ça permet de regarder le match différemment. Ah ouais, du coup tu es amené à supporter l'Arabie Saoudite à un moment donné quoi. Jamais t'aurais pensé ça. Là je suis pour la Tunisie, donc il marque la Tunisie. Donc du coup on va rentrer plutôt dans la Coupe du Monde et les cotes de cette fameuse compétition. Donc on a tout d'abord les cotes sur la compétition en général. Donc j'ai récupéré les cotes pour le vainqueur de la Coupe du Monde. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Donc on a le Brésil qui est favori avec 5. Ensuite, Espagne à 5,50, France à 8, devant l'Allemagne à 9. Ah oui, quand même. Ouais. Belgique à 10, Argentine 12, Angleterre 15, Portugal 20, et après, bon, on monte. Ouais, ça c'est le dernier, Pierre, combien le dernier Non, je me suis arrêté à Mexique. Le dernier, je les ai parce que j'ai fait un sujet dessus. Il y a la Tunisie, justement, qui est en train de jouer, qui a 751. Devant l'Arabie Saoudite Corée du Sud et Arabie Saoudite, pareil, je crois. Okay. Et le dernier, c'est Panama 1001. D'accord. 1001. Ouais, je poserais pas forcément 1 euro dessus. Ouais. 1 euro, un SMIC. Voilà, ouais, ma foi. Du coup, vous, ce serait quoi votre. C'est très très dur de. Les bleus. En termes de cote, du coup, parce que mon petit prono. C'est très très dur. Au niveau du vainqueur seulement, moi. Surtout au vu des points de match. Ce qui est pas si con à faire, c'est tu mets 10 euros sur 3 vainqueurs, sur des cotes à 5 et admettons 6. Ouais, tu peux. Et si tu sens vraiment que l'une des 3 va gagner, par exemple, tu mets 10 euros sur le Brésil, 10 euros sur l'Espagne et 10 euros sur la France. T'es toujours en bénéfice en fait. Tu as fortement de chances d'être bénéficiaire à la fin. Oui. Moi j'aurais plutôt fait ça sur les buteurs, on va venir juste après. Et sur le Est-ce que les codes peuvent changer au cours de la compétition? Genre là, l'Allemagne peut-être elle est plus haute la cote. Il me semble que voilà, l'Allemagne avait une plus petite cote que la France. Et bah, moi je mettrais un pied sur l'Allemagne. T'as le tableau qui peut changer, si tu prends le Brésil en 8ème, bon. Moi vu qu'il se passe toujours l'inverse de ce que je pronostique, je pronostique l'Allemagne. Moi à jouer pour la cote, je trouve que l'Angleterre à 15 est sympa. C'est mon choix perso. Ouais, Angleterre, Belgique, Ah bon, Belgique, c'est combien tu m'as dit? Belgique, c'est 12. Ouais. Est-ce que tu as la Croatie? Croatie, 28. Sympa aussi, ouais. Sympa, hein. Pas mal, une petite pièce. Pas mal, quitte à jouer pour des vainqueurs comme ça. Ouais. Ensuite, on a les cotes meilleurs buteurs. Ronaldo qui est à 2,75. Ça, je trouve, c'est cadeau. Ouais. Bah, surtout qu'il a mis un triplé. Quoi. Voilà, ouais, donc, il parle de ça, c'était les chiffres de cet après-midi. Il sera potentiellement à 4,5. Donc, c'est actualisé. Donc, okay. Il est toujours à 2,75, Ronaldo. Avant, à mon avis, il était un peu plus haut. Et là, donc, moi, j'en ai noté une sur celui-là avec un petit Falcao à 65. Intéressant. Ouais, parce que je trouve. Ça, c'est surtout vu sa poule, quoi. Voilà, la poule, la ligne de milieu offensif qu'il a derrière, et je pense son petit esprit revanchard par rapport à 2014. Et peut-être le 8ème qu'ils vont se taper, s'ils vont se taper le groupe de l'Angleterre. S'ils se prennent le 2ème, par exemple, si la Colombie est première, ils vont peut-être prendre. Ah non, la belle. L'Angleterre, peut-être. La Belgique-Angleterre va sortir, je pense. Ouais. Sinon, par rapport à mon pari de la semaine dernière, je pense que je me suis planté. Est-ce qu'on pourrait pas pronostiquer. Alors, moi, j'ai une idée de ce joueur, je ne sais pas pourquoi j'ai ce joueur en tête, qui va sûrement prendre la tête du Brésil, pour moi. Ce serait Roberto Firmino. Alors, si je l'ai pas dans ce. Ouais, il a plus de 200, je crois. C'est qu'il a plus de 65. Je me suis arrêté à 65. Le truc, c'est que Roberto Firmino, il est pas tout le temps titulé au Brésil. Mais est-ce qu'il peut pas prendre sa place par rapport au match d'hier? J'ai trouvé qu'il a été plus convaincant à 20 minutes que Gabriel Jesus. J'ai envie de le voir parce qu'à Liverpool, en fait, il est. Mais il fait plus briller les autres. Voilà, c'est ça. Et donc, personne n'en parle, personne dit. Mais alors, c'est un joueur exceptionnel. Alors, si on peut le voir à la Coupe du Monde et enfin qu'il ait le rendement qu'il doit avoir. Le rendement qu'il a à Liverpool. Et aux yeux du grand public, a explosé. C'est clair qu'il est sous-coté, ce mec. Bah après, peut-être qu'il partira à Liverpool, donc j'ai pas trop envie non plus, mais. Mais tu le vendras plus cher. Oui. Ouais, non, les sous à Liverpool, c'est pas le problème. Mais supportrice. Du coup, ouais, Firmino, pourquoi pas. Il y a vraiment une multitude de paris. Enfin, donc moi, personnellement, c'est sur Winamax, donc ils offrent vraiment une large palette de paris. Donc j'ai listé le podium, pari sur le podium. Vainqueur et son finaliste, là, c'est des très, très, très, très grosses cotes. C'est-à-dire que tu vois, tu as le pronostic exact du vainqueur et du mec qui l'affronte, voilà. De l'équipe. Là, la plus petite cote, je crois que c'est Espagne-Allemagne, c'est à 24. La c'est plus pas mal, cote. Ça. Ouais, ça c'est donc c'est actualisé par rapport au tableau possible en 8ème. C'est ça, ça c'était cet après-midi. Là, et la plus petite cote où alors, t'avais Brésil-Espagne à 28, des choses comme ça. Quoi. Parce que le petit Brésil-Allemagne en 8ème, il peut casser des paris. Hein. Voilà. Ouais. Ensuite, tu as par exemple l'Athènes de la finale ou même des meilleures équipes par continent. Donc tu as le Brésil à 1,50 par exemple, de son continent, ou le Sénégal à 2,30 pour l'Afrique, j'ai noté. Les paris que je trouve moi très intéressants, c'est les qualifiés au niveau des poules. Donc par exemple, petit risque, mais donc je cherche les cotés à chaque fois, mais Uruguay-Égypte, qui est qualifié, donc Uruguay-Égypte à 6,2 et que ça monte à 8 dans l'ordre aussi. Uruguay 1, Égypte 1, 2, ça c'est une cote à 8. Elle est super jouable, celle-là. Ça veut dire que la Russie, l'Égypte gagne la Russie. Ouais. Ouais, mais après ils ont gagné 5-0 la Russie. Mais sinon, ouais, c'est beau, ça se tente. Ça se tente surtout moi sur le groupe de l'Argentine. Hein. Encore une fois. Tu mets un Croatie-Nigeria. Croatie-Islande. Croatie-Nigeria, ouais. Ah, pas l'Argentine, quoi. Non, pas l'Argentine. Non. Après, vous avez une grosse cote. J'avais noté que Croatie-Argentine à 2,75 ou Argentine-Croatie à 3,20. Ah, donc ouais. La Croatie, ouais, bah, par rapport au résultat, la Croatie est première, ouais. Favorite. Sinon, j'en ai vu un autre pour ces paris qualifiés. Colombie-Sénégal à 4. Parce que le Sénégal, j'ai vu leur effectif à 6,75 dans l'ordre. J'ai vu l'effectif du Sénégal, c'est quand même plutôt sympa. Avec Keita Baldé, Sadio Mané, il y a plein de joueurs d'Angleterre, Kouyaté. J'ai vu plein d'autres bons joueurs. Je trouve que le Sénégal. Je pense que c'est la meilleure sélection africaine. Ouais, je trouve que le Sénégal a vraiment une bonne petite équipe. Et du coup, donc pour le match qui se passe en ce moment même, on avait l'Angleterre à 1,50. Le 1-0 que j'ai mis personnellement à 4,4, qui s'est fait blard, bon voilà. et pour faire monter les cotes, il y avait par exemple des combos. Angleterre gagne à la mi-temps et à la fin du match qui passe à 1,80. Ouais, qui doit être. Du coup, là, très faisable. Très faisable, ouais. Il reste un quart d'heure. Et donc, je vais en finir ici. Ouais. Donc, les cotes pour les jours à venir. Moi, j'ai noté le Sénégal à 3,50 contre la Pologne demain. La Colombie à 1,70 contre le Japon. Elle est belle, celle-là. L'Egypte à 4 contre la Russie. On pourra peut-être même faire ça en agenda. Je pense, à la fin, okay, la fin de l'émission, si ce sera toujours là, comme ça on pourra faire en même temps les cotes. Tu vas baisser d'un étage. Non, mais c'est bien, justement, on aura les cotes en même temps. Comme ça, on va pouvoir passer tout de suite à ce qu'on attend le plus, évidemment. Pas l'agenda, mais le quiz. Sport and chill, le quiz. Et je suis revenu au classique avec le quiz et avec un quiz spécial week-end tout simplement, un quiz de l'actualité. Cool. Et on va chacun pour sa poire du coup vu qu'on est 4 micros. Et on va commencer avec. Oh, attends, il n'y a pas eu d'entourloupe là entre vous deux là. Non, pas d'entourloupe et même la fois dernière il n'y avait pas d'entourloupe. Je ne connais pas Florian. S'il gagne, il y en aura une. Hein, ah, s'il gagne, ouais, j'avoue que là, ça va commencer à. Et pénalty pour la Tunisie. C'est vrai? Oh, elle est dure celle-là. Oh, okay, là, celle-là là. Pour mon la cote ouais, à 80. La cote à 80. J'ai du retard donc j'ai sûrement but déjà. Mais... Carton jaune pour Kyle Walker. Pour ceux qui veulent savoir, pendant ce temps-là, je note les noms. Ne me spoil pas avec ton non, téléphone. Mais c'est le téléphone hein, qui. Je ne sais pas. Alors, on va commencer. On va commencer avec le rugby rapidité. Quel pays, dans le groupe de la France à la prochaine Coupe du Monde, s'est offert un succès historique ce week-end? L'ami Afrique du Sud. Non. Argentine. Non. Non. Un succès historique. Pas l'Angleterre. Uruguay. Écosse. C'est la Géorgie, non plus. Canada. Oh pétard, je m'en veux. Russie. Les Fidji. Les Tonga. Tonga. Japon. Non. Samoa. Louis Fried Tonga. Je connais pas le groupe, donc je vais tout dire. C'est pas l'Italie. L'Angola. Ils ont gagné au Japon. La Namibie. Non. Non. Putain, merde. L'Italie. Un pays qui n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Canada. De football. Mais qui est qualifié du coup pour la Coupe du Monde de rugby qui est dans le groupe de la France, je vous le rappelle. Roumanie. Non. Les USA? Oui, les États-Unis. Yes. Qui ont gagné oui. 30 à 29 contre les Écossais. Première fois. Pays. Première fois non. Donc de. Non mais Tim, il est insupportable. Il a vu ah, le match. C'est... Comme un coq en pâte, hein. Football. Et point pour Paul qui marque ouais. Le point en rugby, heureusement d'ailleurs. Question Coupe du Monde justement. Rapidité. Qu'est-ce que Shin Tae-yong, entraîneur de la Corée du Sud, a fait d'insolite lors des matchs de préparation? Il a changé les numéros. Il a changé les numéros à l'entraînement pour pas que. Alex en premier. Il a changé les numéros. Enfin, oui, je cite un peu ce qu'il dit. Nous avons changé de numéro parce que nous ne voulions pas tout montrer à nos adversaires et essayer de les embrouiller. Ils connaissent peut-être quelques-uns de nos joueurs, mais il est très difficile pour les Occidentaux de faire la distinction entre les Asiatiques, et c'est pourquoi nous l'avons fait. C'est très très drôle, genre, ça là. C'est rigolo, c'est rigolo, solide, on peut le dire. Il n'en pas mal de temps. Est-ce que les Tunisiens ont marqué? Oui. C'est très long à tirer. Tunisiens ont marqué. Oui. But pour la Tunisie, un partout. Il était pas loin de garder. Pas loin du tout. Et 36 euros pour Bibi. Ah d'accord. Attention, c'est pas fini la course. C'est pas fini. Ah mais tennis qui marque. Tennis, Tim, est-ce que t'es présent? Ouais, je suis là. T'as l'air ailleurs. Oui, il est sur caserie, là. Donc, tour de table. Chez les femmes, le classement WTA a également changé ce matin. Simona Halep reste première devant Caroline Wozniacki. Les Françaises ne sont pas au mieux, excepté Caroline Garcia qui est sixième. Oui. Combien y a-t-il de Françaises dans le top 100? Deux. Deux? C'est tour de table. Non. C'est tour de table. Ah. C'est tour de table. T'as Mladenovic qui est 61ème. Non, mais attends, on peut faire comme ça. Si d'accord, chacun les a, il les cite. Et... Ouais, non, ça va, c'est rapide, c'est plutôt rapide par contre. 4. 4. 3 ou 4, je dirais 4. Tim. Moi, je dirais 5. Allez, Timou. Allez, Tim. Je dirais 4, ouais, aussi. 5, Alex. 4, Tim. Guillaume. Par mentier. 5. C'est 4, en effet. Par mentier, Garcia, Mladenovic et Cornet. Ouais, t'auras pas de point. Ah, j'avais mis au plein de bonheur, moi. Et chez les hommes? Chez les hommes, la plus. De l'autre côté, Guillaume qui commence, 9. Non, peut-être pas 9. Point pour Tim et Paul. Oh, non, c'est plus aussi. Oh là là. Non, peut-être pas, attends. Si, si, au moins. T'as une 7 dans la tête. Alex. Je vais dire 11. 11. J'aurais dit 11 ouais, aussi. Pareil. 11. 11. Pareil. Bah, point pour chacun, puisque c'était 10. Tout le monde c'était au milieu. D'accord. Tu aurais dû dire 10. Ça fait quand même 10 dans le top 100. Oui. Olivier Patience, alors, je joue pas mal. Pierre Gerber. Olivier Patience. Pierre Gerber, Benetto, Chardy, Simon, Tsonga, Père, Monfils, Manarino, Gasquet, Pouille. Mais aucun dans le top 10. Coupe du Monde. Non. La Suisse. Rapidité. Non, autour de table plutôt. La Suisse a fait match nul hier contre le Brésil. La Nati, une équipe très solide et dure à jouer. Depuis quelle Coupe du Monde la Suisse n'avait pas perdu lors de son match d'ouverture? Donc depuis quelle Coupe du Monde elle a fait la dernière fois qu'elle a perdu un match d'ouverture la Suisse? 94. Mmh. 78. 78. 86. 86. 90. Point pour Tim, c'était il y a très longtemps, en 1966. En perdant 5-0 contre l'Allemagne. Depuis 66, ils perdent leur premier match. Ils n'ont pas perdu. Ils ne perdent pas. Ils n'ont pas perdu leur premier match. Il y a eu France 2 en 2006. Ouais, je me disais, sinon 2018. Sinon, mais oui, 66, je savais. Rugby. Rapidité. Qui est élu le meilleur joueur de la Coupe du Monde? Jonathan Joseph. Merci. Il a quel âge? 17 ans. Bon, ok, j'en ai eu. Paul, point. Ah, je l'avais presque. Jordan Joseph, pardon, à 17 ans. Qui est quelle nationalité du coup? Français. Français en effet. Ouais. Il y a 17 ans. Rugby toujours, qui a dit l'euphorie, on n'a pas gagné non plus, les joueurs vont rester les pieds sur terre. On a encore des choses à régler. Sur les touches, on s'est mis dans le doute, sur la première notamment. Il y a vraiment du boulot à faire dans la coordination. Attends, Brunel. En rugby? Brunel, non. Il y a vraiment du boulot, on n'a pas gagné, il a dit. Ouais, on a l'euphorie, on n'a pas gagné non plus. Ouais, en gros, calmez-vous quoi. Non. Gourdon? Non. Bello? Non. Le capitaine de l'équipe de France? Non. Serein? Non. C'est un joueur? C'était plus proche que Guillaume. C'est un joueur? C'est dans le staff. Fall? Non. Je t'ai dit, c'est pas un joueur. Non, c'est pas un joueur, pardon. Donc, c'est pas un joueur, tu as dit. Du coup, c'est pas Elissalde. Non, c'est pas Elissalde, c'est l'autre. Non, mais oui, c'est l'entraîneur des avants qui s'appelle. Oh mince, je m'en veux. Clairement, toi? Chut! Attends, mince, l'entraîneur rasé. Des avants. C'est non. Pas Yannick Bru, Yannick Bru. C'est pas Yannick non. Bru. C'est pas Yannick Bru. Si, mais bien sûr que si, c'est pas Bruno. Non. Julien Bonner. Ah ouais. Sans déconner. Sans déconner. Je tiens à m'excuser auprès des. Ça va, guys. Des Bonnerrois. Des auditeurs. Qui a dit. Il a un peu cheveux par contre. Qui a dit. Coupe du Monde. Hein. Tous les joueurs sont abattus et déçus évidemment. Notre équipe a suffisamment d'expérience pour surmonter cette défaite. Joachim Löw. Qui a dit Joachim Löw en premier? Guillaume. Le prochain match est encore plus important, ouais, il faut le gagner, il n'y a aucune raison de s'effondrer, il y a deux autres matchs et nous avons le temps de corriger ce qui doit être. Tim, il t'a fusillé du regard. C'était bien Guillaume, moi j'ai pas entendu ça. Si oui, c'est pour ça que j'ai pas branché. Tennis, pas de rapidité, tour de table. On va commencer d'ailleurs avec le spécialiste tennis qui répond en premier. Roger Federer a gagné sa 98e finale de sa carrière. Quel est le pourcentage de victoires en finale dans toute sa carrière? Waouh. C'est une belle question. Tim. Comment t'as chopé cette stat? L'équipe, un article. L'équipe, ouais. Je vais dire 84%. 84% c'est un joli de victoire en finale dans toute sa carrière. Avant qu'il dise, j'allais dire 82. Bon. 82. 79. 85. Oh, c'est un mouchoir de poche. vous avez vu Roger un peu trop beau. 66,2%. Ah ouais, si tu peux. Ouais. 90, donc point pour Guillaume, 98 victoires sur 148 finales en tout. Ah c'est pas. Depuis 2017, il est à 83,3%. Rafa a un meilleur taux voilà, largement. Ouais. Récemment, ah ouais. Il est plutôt. Ouais. Moi, je pense déjà 11 sur 11. Je suis tellement déçu. C'est un quiz très rapide, il reste que 3 questions. Tour de table toujours. CR7 a démontré encore son talent contre l'Espagne cette semaine en inscrivant un triplé. Mais au fait, à combien est-il de buts avec le Portugal dans toute sa carrière? 6. Ah non, non, dans tous les matchs avec le Portugal. Match amicaux, éliminatoire, tout ce que vous voulez. 54. Je dis 72. Ouais, 72. Plus de dans ces eaux-là aussi. 81. Soyons fous, ça fait vraiment. On y va, c'est CR7. 82. 84. Bon. Oh, choqué, il a dit 84. Oh, choqué. Choqué. 84 ou 85, puisqu'il y a eu un but avec le Portugal Olympique, donc je sais pas si je comptais. Alors, combien de sélections tu as dit? J'ai pas le stade de sélection. 100 et. Ouais, 100 par là. 150 par là. Ouais, dis-toi qu'il était déjà là en 2006. Donc Guillaume. Si t'avais dit 87, on serait. Guillaume qui est à un point de Paul. Attention, il reste deux matchs. Deux questions. Ça partageait les points. Quel match, je mets entre guillemets le match, attention. Je donne pas trop d'informations sur ce sport. C'était terminé sur un nul très controversé en septembre dernier et qui aura le droit à la revanche le 15 septembre prochain entre deux champions de leur catégorie. L'un mexicain et l'autre kazakh. L'un détenteur de la WWC moyen et super champion de la WA notamment. L'autre qui avec notamment 49 victoires sur 52. Pacquiao. Ouais, Pacquiao, j'allais dire. Non, mais Canelo. Je donne un point à Tim pour un des deux. Canelo Alvarez contre le Kazakh. Kazakh. Pino qui ressemble, à l'un des buteurs de la Russie. Qui ressemble. Zuba. Non, qui ressemble au nom de l'un des buteurs de la Russie. Golovin. Et d'une tennis woman. Tatiana Golovin, ok, donc c'est Golovin. Golovski. Quoi? Golovka. Golovkov. Pas Golovski là. Golovka. Golovka. Attends, j'écoute Tim. Golovka? Non. Golovski? Non. Polyakov. Golovkina. Golovkin. Golovkin, oui. Un point pour Tim. Team. Dernière question. Je la mets à un point, ça va, tranquille. Je la mets à un point. Tim et Guillaume peuvent revenir. Alex est à deux points, c'est terminé malheureusement pour lui. Si, sauf si c'est lui. Ouais. Cette rapidité, c'est une question très rapide. Je suis en stress total. Quel pays est surnommé les Ticos? Mexique. Non, pas la Costa Rica. Costa Rica, point. Allez, je l'ai. C'est la tri, le Mexique. Ah, tu m'as pas fait quoi. Donc, entre victoire et... égalité de Paul et Tim à 5 points, Guillaume 4, Alex 2. C'était un beau quiz. Un partage des points. Non, j'ai pas d'autres questions. Donc, nombre de buts de CR7 en Coupe du Monde? 6. Allez. Et on va continuer, on va finir sur l'agenda et l'occasion de reparler des pronos, enfin des cotes. Et donc, notamment demain, on a à savoir que donc, la Tunisie-Angleterre, à la 45e, il y a un partout. Donc, à la mi-temps, il y a un partout. Donc, demain, mardi, Colombie-Japon à 14h, les cotes pour ce 1,70 match. Colombie, j'ai mis que ce que je présentais. C'est cadeau. Pologne-Sénégal, 17h. 3,50 Sénégal. Russie-Égypte, 20h. 4 Égypte. Mercredi, Portugal-Maroc, 14h. 1,70 pour le Portugal. Uruguay-Arabie Saoudite, 17h. Pas mal aussi ce 1,70 Portugal. J'ai pas les codes là. On va mettre Uruguay du coup, je pense. Iran-Espagne, est-ce que tu vois? 20h, mercredi. Espagne, ils avaient 20. Je vais dire ça de suite. Jeudi, Danemark-Australie, 14h. France-Pérou, 17h sur TF1. Et Argentine-Croatie, 20h sur TF1. 1,50 la France. L'Espagne, 1,17 sur la cote de l'Iran qui est 1,23. Moi, je mettrais le match nul. Mais... Match nul. Danemark, 1,82 contre l'Australie. Pas mal. Vendredi, Brésil-Costa Rica, 14h. Nigeria-Islande, 17h. Serbie-Suisse, à 20h. C'est toujours les mêmes. Serbie-Suisse qui devrait décider de la deuxième place. Suisse. Il y a une belle cote jeudi, c'est la cote du nul. Argentine-Croatie, ouais. La cote du nul à 3,40 et Croatie, pardon, 4,25. La Croatie ne perdra pas. On va pas revenir là-dessus, non. Messieurs. Et samedi, c'est la fin des matchs du deuxième tour. Belgique-Tunisie, Corée du Sud-Mexique et Allemagne-Suède sur TF1, le dernier. Enfin, c'est dimanche le dernier du deuxième tour. Angleterre-Panama, Japon-Sénégal et Pologne-Colombie. Et lundi, avant l'émission, la prochaine émission, ça sera le dernier match du groupe A. Russie Uruguay à 16h, Arabie Saoudite, Égypte aussi à 16h. Et à 20h, ça sera l'émission, mais ça sera le groupé en même temps que l'émission. Est-ce que vous avez d'autres sports, notamment du cyclisme, ou pas du tout? A priori, non. En tête, j'en ai pas. Il y a les championnats de les France championnats qui vont pas arriver. Les championnats nationaux. Les championnats nationaux, tout c'est court. Pas cette semaine, c'est beaucoup plus tard. Peut-être c'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après. Oui, ouais. Sinon, après World Tour, il y en a plus. En tennis, jusqu'au tu as quelque chose? Tennis, Halle et le Queen Birmingham chez les filles. Si, demain, match pas mal, il y a Kyrgios contre Murray. C'est mon match du jour. D'accord. Et en rugby, il y a le troisième match de l'équipe de France, samedi matin. D'accord. Okay. Et grand événement le week-end prochain avec le retour de la F1 au circuit Paul Ricard. En France, en effet. Faut le souligner. Ouais. C'est bon, vous avez tout. L'agenda, c'est OK. On va passer à notre pronostic. On a fait France-Australie, du coup, on fait France-Pérou. Et je vais vous demander tout simplement votre pronostic. Guillaume, tu peux commencer sur France-Pérou. Un partout. Un partout pour qui? L'arbitre. Moi, je vais dire 2-1 pour les Bleus. 2-1 pour les Bleus. Je sais même plus ce que j'ai pronostiqué sur Scorecast. Je vais dire. T'as mis 5-1 pour les Bleus contre l'Australie. Non, j'ai mis 2-1. Je te le rappelle. Je vais dire 1-0. 1-0 pour Team. Moi, je vais dire 2-1 ou 3-1 pour la France. 2-1 ou 3-1? Allez, 3-1. 3-1. Allez, et moi, je mets 0-0. Le dèche. On va au niveau de la semaine dernière, c'était France-Australie, du coup un point pour tout le monde qui avait pronostiqué la victoire de la France, mais aucun avait pronostiqué le score juste, à savoir 2-1, pourtant il était plutôt pronosticable. Au niveau du classement, ça ne change pas. Guillaume est repassé deuxième avec 17 points. Tim, tu es 3, 4, 5, 6, 6ème égalité avec Yacine, 10 points. Paul est 5ème avec 11 points. Guillaume a pris son deuxième point. La remontada. Voilà, je pense qu'on a tout dit. On a tout dit là-dessus. Au niveau du foot, c'est la mi-temps, donc un partout entre la Tunisie et l'Angleterre. On va terminer là-dessus. On remercie tout le monde, évidemment, puis aussi nos invités d'être venus ce soir. Nos trialistes. Et remercie Metchillers d'être venus ce soir également. Et on se retrouve nous la semaine prochaine. Enfin, pas moi parce que je ne serai pas là, mais ce sera Romain qui sera à ma place. Moi, je serai chez moi pour mon anniversaire. Alors, je prends un congé. Grosse bringue. Grosse bringue. On va dire ça comme ça. Et on va finir là-dessus. On va finir sur le but de Finn Bogarsson, l'Islandais qui a marqué contre l'Argentine. Non, je l'ai pas trouvé en VO. J'ai tout fait pour le trouver en VO, mais j'ai trouvé en anglais, qui est plutôt pas mal aussi. Et puis, quant à nous, on se dit la semaine prochaine pour une émission, si je ne me trompe pas, spéciale baseball. Enfin, spécial baseball, avec des invités baseball, voilà. D'accord. Ça marche très bien. Bah, merci Florian, à toi d'avoir animé cette émission. Cette émission, pardon. Et puis, mes chers auditeurs, merci. Sans flamme. Mes chers compatriotes. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao. Bye bye. Sigurdsson. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier.